jette un petit coup d'œil à la météo tout de suite, Dominique, bonsoir. Avec une météo, bonsoir, très douce et quelques averses résiduelles sur l'ouest ce soir et cette nuit, minima 15 à 20 degrés. Demain, il va faire chaud jusqu'à 30 degrés, lourd dès le matin et des averses orageuses, parfois violentes, sont à craindre sur la moitié ouest du pays. Et finalement, vendredi, les averses vont gagner toutes les régions, il fera un peu moins chaud, 26 degrés maximum seulement. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Ils sont chauds, les supporters des Diables en Belgique et en France. À Nice, ils sont même plutôt confiants sur l'issue du match. Bon, à part Zlatan, il n'y a quand même pas grand chose dans l'équipe. Normalement, on devrait gagner relativement facilement. On verra avec Thierry Luthers comment ça se présente pour ce soir. Le désarroi des étudiants en psychomotricité, ils viennent d'apprendre qu'ils ne pourraient pas porter le titre de psychomotricien. Maggie de Bloch, la ministre de la Santé, refuse de reconnaître ce titre dans les écoles. On ne comprend pas cette décision. Dans ce journal, il sera question aussi du vote de demain. Au Royaume-Uni, les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais du Nord se prononcent pour ou contre le maintien du pays dans l'Europe. Les pros et les anti sont au coude à coude, les militants s'activent encore. Et puis nous évoquerons ce record que la Belgique atteindra sans aucun doute à la fin du mois de juin, en étant très bonne voie en tout cas, record de pluie. Là, le 22 juin, nous sommes déjà dans le top 3 des mois de juin les plus pluvieux depuis le début des relevés. Et la pluie, eh bien, il y en tombera encore d'ici le 30. C'est l'heure du journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. On démarre avec l'ambiance qui monte. Hein. Devant les écrans géants, à Mons, Charleroi, Liège, Bruxelles, on y revient. Ambiance déjà très très festive aussi à Nice. Pascal Chimay a pu s'en rendre compte. Ça c'est le foot, c'est la beauté du foot. C'est... Après l'Italie, on était presque à se taper sur la tête chacun parce que Willy était nul. Et puis on gagne contre l'Irlande et là ça redémarre, mais c'est la beauté du foot. Alors on arrivait la veille du match, on arrivait dans la soirée. On était déjà à Lyon, on était déjà dans la folle ambiance de Bordeaux avec les Irlandais. Et puis on espère aller le plus loin possible. Là le terrain a l'air de se dégager pour les Diables, donc c'est cool. Je m'appelle Maxime, j'habite ici à Nice. Ah, donc un régional de l'étape quasiment. Ah, c'est génial, j'ai tout fait pour avoir la place, il fallait absolument que j'aie la place ici. Bon, un pronostic pour ce match alors face à la Suède. Je dirais 2-0. Bon, à part Zlatan, il n'y a quand même pas grand chose dans l'équipe. Normalement, on devrait gagner relativement facilement. Au pire, un match nul, mais allez, on peut espérer quand même mettre fin de toute beauté à la carrière de Zlatan. Alors on va retrouver tout de suite Thierry Luthers à Nice, hein, Suède-Belgique, c'est dans 4 heures. On ne sait pas encore quel diable monteront sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que pour atteindre les 8e, il faut au minimum le match nul. Et ce sera peut-être aussi le dernier match pour le fameux Zlatan Ibrahimovic, Thierry Luthers. Est-ce que ça va changer la donne ? Oui, bonsoir Manu. Ça pourrait en effet la changer quelque peu, puisque on a le sentiment que ça pourrait aussi booster non seulement le joueur, l'intéressé, qui est évidemment une superstar et qui ne voudrait pas manquer ses adieux sur la scène internationale, peut-être même ses équipiers aussi, qui seraient désormais orphelins, cette véritable icône. Donc, ce n'est sans doute pas par hasard qu'il a annoncé cela hier, la veille de ce match, qui sera peut-être le dernier match des Suédois. Bon, cela dit, pas de panique non plus, la Suède n'a pas montré grand-chose, et c'est un euphémisme depuis le début du tournoi. Pas le moindre tir cadré, rendez-vous compte, en deux rencontres, ils ont été accrochés par l'Irlande, ils ont été battus sur le fil, certes, par l'Italie. C'est la 35e nation mondiale, la Belgique est deuxième. Donc, en principe, sur papier, la Belgique sera largement favorite ici à Nice, où, par parenthèse, il fait très chaud. Et il y a aussi beaucoup de consignes de sécurité, plus que pour les autres rencontres. Enfin, dernier élément, la Belgique ne devra pas spéculer sur ce partage théoriquement suffisant. Ce n'est pas le style de Marc Wilmots et de ses joueurs. Ils vont donc jouer pour gagner, encouragés apparemment par... près de 12 000 supporters qui vont rallier cette aréna ici, un petit peu en dehors du centre de Nice. Et on vous retrouve bien sûr ce soir pour commenter ce match. Alors, chez nous aussi, on s'active devant les écrans géants à Liège, Charleroi, Mons, Woluwe, Saint-Pierre, à Bruxelles. À Woluwe, place du Mont, c'est là que se trouve un très grand écran. Pierre Van Den Bulk y était cet après-midi. Il est bien au foot ce soir. Ah, cool ça. Ce soir, place du Mont, c'est football. L'écran de 30 mètres carrés est en place. Et comme c'est déjà le troisième match des Diables, l'équipe est bien rodée. Philippe Arlet, le régisseur. Alors là, on est en train de câbler le son, l'éclairage, les effets pyrotechniques fumigènes qui vont intervenir pendant le match. En espérant qu'il y ait des goals, mais là, on est confiant. C'est bon, Lee, m'entends là ? Rendez-vous à partir de... À côté de la technique, il faut aussi gérer toute la logistique des bars. Olivier Dassy, l'organisateur. On a à peu près 10 pompes qui vont être installées partout, donc 10 pompes double bec et 100 mètres de comptoir bar. Et il faut bien ça, Olivier, l'un des barman. Ça consomme bien, ouais. Ouais. Les gens sont bonne ambiance, donc tout se passe bien. Bonne ambiance malgré le climat ambiant à Bruxelles, Olivier Dassy. On fait tout pour pas tomber justement dans cette psychose et nous on était prêts depuis le premier match, voilà, on a un cahier de charge relativement sévère. Donc voilà, le site est fermé, il n'y a pas de sac, enfin on s'adapte à peu près ce qui va se passer probablement pendant tout l'été dans tous les festivals et voilà, on vient ici en famille, en toute sécurité. Ouais. Et avec l'espoir que les Diables gagnent, c'est toujours bon pour les affaires, Marvin vendait hamburger sur le site. Ah c'est sûr, mais bon voilà, pas que ça aussi, hein. Aller en finale aussi, hein. Parce qu'on aime bien le football. Hein. Suède-Belgique donc à 21h, comme Italie-Irlande. À la même heure, un peu plus tôt dans la journée, l'Islande affronte l'Autriche. La Hongrie est opposée au Portugal. Ils sont étudiants ou tout jeunes diplômés et en cette fin juin, ils sont plutôt déprimés. Oui, ces étudiants et ces jeunes diplômés en psychomotricité viennent d'apprendre que le titre de psychomotricien ne serait jamais reconnu. Décision de Maggie De Bloch, la ministre de la Santé. Elle estime que les kinés, les ergothérapeutes, voire les logopèdes peuvent très bien faire ce travail. Des études de psychomote, ça n'existe pas en Flandre, mais ça fait 4 ans déjà que ça existe en communauté française. Alors est-ce que la communauté française a mis la charrue avant les bœufs en organisant cette formation ? Justine Hermans a laissé traîner son micro à la Haute École Libre Mosane à Liège. Les examens viennent de se terminer. Gabriel est un des étudiants en dernière année de psychomotricité. Il attend ses résultats. Lundi prochain, il y aura la proclamation et je saurai si je suis diplômé, comme une bonne partie des étudiants de troisième année. Mais diplômé peut-être pour rien. Pour rien. Pour rien, parce que le métier n'est pas reconnu dans le secteur de la santé. Actuellement, avec la décision qui a été prise, si on effectue un acte paramédical, c'est illégal, c'est de l'exercice illégal. Les études en psychomotricité existent depuis 4 ans, un cursus créé avant que le métier soit reconnu officiellement. C'est Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'enseignement supérieur qui l'a autorisé. Aurait-il dû attendre ? Les hautes écoles, elles, ont fait confiance. Claudine Bulteau, directrice de catégorie paramédicale à la Haute École Libre Mosane. Nous avons fait confiance au ministre quant à l'accord et l'ouverture de cette formation-là. Ce n'est pas la première fois que nous obtenons, quand je dis nous, c'est les hautes écoles, une habilitation pour une profession qui obtient une reconnaissance ultérieure dans le domaine de la santé, comme les logopèdes. Cette Haute École liégeoise espère toujours voir le métier de psychomotricien reconnu. Pour ses étudiants et ses diplômés, elle continue à défendre les spécificités du métier. Les F-16 belges survoleront prochainement la Syrie. Les F-16 belges sont déjà en opération en Irak. Les parlementaires en commission ont adopté aujourd'hui la résolution qui permet leur envoi en Syrie. Cette résolution devrait passer en séance plénière à la Chambre la semaine prochaine. In ou out, les Britanniques vont-ils rester à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe ? 46 500 000 électeurs se prononcent demain. Jusqu'ici, aucune tendance claire ne se dessine dans les sondages. 10% des Britanniques hésite encore et donc les militants pro-Brexit ou anti-Brexit militent jusqu'au bout. Exemple à 92 miles de Londres, à Market Harborough, avec ce reportage d'Olivier Henrion et Jean-Marc Vierzé. Louise est belge, ou plutôt anglo-belge, mariée à un Britannique. Depuis plus de 50 ans, elle vit dans les East Midlands, à une heure de route de Londres. Et c'est là que nous l'avons rencontrée, en train de distribuer des tracts pour le Brexit. Je crois que nous devons avoir le droit de surveiller notre affaire nous-mêmes, ne pas être dire par des étrangers comment on doit vivre, comment on doit dépenser notre argent, comment on doit penser. On a le droit de nous régler nous-mêmes. Et puis, ce qui énerve Louise aussi, c'est la contribution britannique au budget européen. Le pays est un contributeur net, c'est-à-dire qu'il verse plus d'argent qu'il ne reçoit, même si, avec le rabais négocié par Margaret Thatcher, cette quote-part est bien moins importante que des pays comme l'Allemagne ou la France, par exemple. Pourtant, Louise en est sûre, cet argent serait bien mieux géré par Londres que par Bruxelles. On donne tout cet argent à l'Europe. Et qu'est-ce qu'on reçoit de retour ? Ils veulent avoir un pays qui s'appelle Europe. Et ça, je ne suis pas d'accord. Même si votre cœur est un petit peu en Belgique. Oui, j'aime bien la Belgique. Mais je voudrais que chacun se gouverne lui-même. Alors une chose nous rapproche des Britanniques ces temps-ci, la pluie. Et on est servi, hein, on bat même tous les records. Un appareil s'affole en particulier, c'est le pluviomètre, celui qui sert à mesurer les quantités d'eau tombées sur un territoire donné. À Uccle, à l'Institut Royal de Météorologie, il a même failli déborder. Avec nous, Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Bonjour. Bonjour. En matière de pluie, donc, on atteint vraiment des records. Ce n'est pas seulement une impression de temps maussade, les chiffres s'affolent chez vous ? Écoutez, oui, si on regarde le premier semestre donc 2016, on constate qu'on a déjà observé pour le moment 615 litres par mètre carré donc pour la station Uccle, qui est un peu la station de référence pour la Belgique. Et il faut savoir que la normale pour les 6 premiers mois d'année, c'est seulement environ 399 litres par mètre carré. Donc on a doublé les chiffres en 6 mois. Et si on ne compte que le mois de juin, là aussi, on doit affoler toutes les statistiques. Oui, tout à fait. Ce mois de juin est particulièrement arrosé, puisque pour le moment, et on l'est pas encore à la fin du mois, on a déjà enregistré 141 litres par mètre carré, ce qui nous place à la troisième place depuis le début des observations en 1833, le record étant toujours en 1839 avec 173 litres par mètre carré. Mais compte tenu du fait qu'il peut encore avoir quelques orages dans les prochains jours, même dans les prochaines heures, il n'est pas exclu qu'on s'approche de ce record. Oui, alors c'est ce qu'on nous annonce, effectivement, à nouveau des orages ce soir dans l'ouest du pays, si j'ai bien vu, demain de nouveau et encore peut-être vendredi. Ça vient d'où ces orages dès le mois de juin ? D'habitude, on a ça plutôt loin dans l'été. Non, les situations orageuses sont tout à fait classiques, je dirais, en juin, même en mai. Simplement, ici, ce qui s'est passé, en tout cas, pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin, c'est qu'on a eu une succession d'épisodes orageux qui étaient liés au fait qu'on avait vraiment de l'air stationnaire, donc de l'air chaud et humide en provenance d'Europe centrale, qui est vraiment resté stationnaire pendant plusieurs jours sur nos régions, du fait aussi qu'il y avait le blocage d'un anticyclone plus à l'ouest de nos régions. Et donc, le fait que cette masse d'air n'a pas pu bouger, et on a eu un petit peu un scénario répétitif avec quasiment tous les jours des épisodes orageux. Et voilà, ça a duré pendant presque 3 semaines. Alors l'été, vous nous l'avez annoncé comme arrivé hier à 00h34. Dans les faits, réellement, il arrive quand ? Autrement dit, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir les barbecues ? J'en profite, j'ai un météorologue avec moi. Écoutez, d'abord, il faut relativiser l'été au niveau de la climatologie. Chez nous, on démarre le 1er juin, effectivement. C'est encore pire. Oui, c'est encore pire d'une certaine manière. Écoutez, les prochains jours, je dirais, là, on va avoir 2 journées relativement, on va dire, chaudes, avec malheureusement une dégradation orageuse. Ensuite, on va retrouver plutôt un type de temps, un peu de saison pour la Belgique, c'est-à-dire des températures de l'ordre de 20 à 22, 23 degrés, un peu de pluie, des éclaircies, donc un temps relativement normal pour nos régions. Mais on n'aura plus vraiment d'épisodes caniculaires. Si on regarde les prévisions, on va dire à 10-12 jours, ce qui est un petit peu la limite des prévisions. Merci Pascal Mormal, je rappelle que vous êtes météorologue à l'IRM. Et maintenant, j'ai une petite devinette pour vous, Cyril. Connaissez-vous Dory ? Je vais vous mettre sur la voie. Dory, elle a cette voix-là. Dory ? Oui ? Dory ? Oui ? On était copines ! Non. C'était trop marrant ! Je te racontais une histoire et toi, tu l'oubliais complètement. Comme ça, je pouvais te la raconter autant de fois que je voulais. Ben oui, Dory, c'est la copine de Nemo, film studio Pixar d'ailleurs qui sort aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises. Enfin, c'est la copine de Nemo, elle sait pas que c'est son copain. Nemo. Non, parce que Dory, magnifique poisson bleu, n'a pas de mémoire. Dory souffre de troubles de la mémoire immédiate. Alors, c'est une vraie maladie, hein, Delphine Vreux. Vous avez pu vous en rendre compte au cinéma des Dory, on en trouve un peu partout. Oui, et ce qui saute aux yeux, c'est qu'à voir une Dory à côté de soi, c'est visiblement toujours amusant. Apolline. Pauline est une Dory. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on l'appelle Dory dans le milieu. Elle oublie ce dont elle parlait, ce qu'elle était en train de chercher quand elle cherche quelque chose. Je pense qu'on est tous un peu Dory quelque part. Hein. Mais être une Dory, une vraie, c'est un problème au quotidien. De tels patients, le neurologue José Antonio Elosegui en reçoit tous les jours. Donc ces patients, ils sont capables de vous dire ce qu'ils ont mangé dans l'air banquet de mariage il y a 50 ans. Par contre, ils sont tout à fait incapables de vous dire ce qu'ils ont mangé hier soir. Parce que toute nouvelle information n'est pas enregistrée dans le cerveau. Et donc, comme il n'a pas d'information enregistrée, donc il n'y a pas de souvenirs. Donc ce n'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils n'arrivent pas à enregistrer l'information. Et il n'y a aucun traitement, rien pour revenir en arrière, juste des médicaments pour limiter l'évolution de la maladie. Elle est provoquée par une protéine qui ravage le cerveau, elle est liée à l'âge. 99% de ces personnes souffrent ou souffriront rapidement de la maladie d'Alzheimer. Le docteur Elosegui évoque même une épidémie. Le nombre de cas a doublé en 10 ans et il va encore doubler. C'est interpellant. Alors moi qui oublie le titre du film que j'ai vu la veille, est-ce que je dois m'inquiéter, Delphine ? Ah non, réponse non, c'est peut-être agaçant, mais ce n'est qu'un petit oubli. Il faut s'inquiéter. inquiéter si, par exemple, vous n'arrivez plus à retenir aucun code, si vous oubliez aussi pourquoi vous attendez dans la salle d'attente d'un médecin. Et tant qu'on y est, fin aussi d'un stéréotype, il existe une légère prédisposition féminine, mais on peut tout à fait être un Dory. J'en étais sûre. On continue avec une question dans ce journal. Est-ce qu'on assiste à une compétition de bébés pandas, Manu? Ah ouais, c'est peut-être ça, hein, parce qu'il y a deux bébés pandas qui viennent de naître en Chine. Ça s'est passé au centre de reproduction de pandas géants de Chengdu, dans le sud-ouest. Ils pesaient 144 et 113 grammes. Ouais, plein de nouveaux pandas qui arrivent en cette période. Merci Manu, à tout à l'heure. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point RTBF Mobile Info. Absolument, Cyril, avec un contrôle de vitesse qui nous est rappelé sur le 40 Bruxelles vers Liège entre Berlo et Warem. Prudent si vous rentrez à la maison, levez le pied. Avec des ralentissements sur l'A602 à partir de Buranville, voire les Guillemins pour l'instant jusqu'aux grosses battes sur l'A602. Dans le quartier du Londeau, pas mal de ralentissements nous sont signalés. Quai de Rome, quai Banning en direction de l'extérieur de la ville et des accès à l'E25. Et puis aussi, ça ralentit peu après le quai Mativa vers l'extérieur de la ville et peu après le quai Mativa de l'autre côté. Rive droite de la dérivation, du côté du quai Orban en direction de Bressoux. Vous serez d'ailleurs ralenti sur le 25 à partir de Droix jusque dans l'échangeur de Cherade. Ne vous laissez pas surprendre par ces ralentissements. Ralentissement également sur le 40 suite aux divers travaux du viaduc de Hertal et ceux dans les deux directions. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à condition. Offre d'été dans votre magasin Poincaré. Maintenant, bénéficiez de 25% de remise sur la collection été 2016 à l'achat de minimum 2 articles, hors exception, pré-rond et nouvelle collection. Vivacité et la 2 présente les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux Café Racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport. Avec le Gaël de juillet, découvrez les robes les plus désirables de l'été. Les meilleures lectures pour éveiller votre volupté. Et le supplément gratuit Gaël à la mer. À vous les activités, les restos et le shopping stylé de La Panne à Knokke-le-Zoute. Gaël, vous avez tout pour vous. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spécial rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Tout Faire Matériaux. Gagnez en savoir-faire. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout en plein air, animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et la Meuse. jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Bienvenue tout le monde, si vous arrivez à l'instant sur Vivacité, on termine comme tous les soirs la journée ensemble avec plein de cadeaux. Je vous en parle dans un instant et puis un tour de l'actualité, tout ce qui s'est passé ces dernières heures et direction Chauxfontaine cet après-midi. Avec ce soir un conseil communal et pendant ce conseil communal il sera voté ou pas le placement de 52 caméras dans les 6 écoles de la commune. Alors à quoi vont-elles servir? Peut-on accepter des caméras dans les cours de récré de vos enfants? Nous y reviendrons dans un instant. Ce soir, il se passe un truc, il paraît. Il y a un match de foot et avec le foot, il y a souvent un petit peu de bière. On en avait déjà parlé dans l'émission et justement aujourd'hui, il y a un sondage qui a été publié sur la relation entre nous, les Belges, et la bière. Je vous donne les détails tout à l'heure. Vous vous souvenez du volcan islandais? Il avait paralysé le ciel il y a quelques années. Manu, je vous pose la question, vous vous souvenez du nom de ce volcan? Leyafjöll. Bravo, bravo. Oui. Vous avez eu chaud. Je suis pas hein. Encore Dory. Ouais, bah, c'est bien ça. On a chaud encore une fois en cette période de départ en vacances, puisqu'il y a une nouvelle éruption qui se préparait. C'est toujours en Islande, ce n'est plus le même volcan. On verra si cette nouvelle éruption aura un impact sur vos vacances en avion. On parlait de foot il y a un instant. À propos de foot, la compile Allez les Diables est toujours en vente sur la boutique RTBF. Et je vais vous l'offrir ce soir. Et alors on va faire un petit concours cet après-midi parce que j'espère, et vous aussi je suppose que ce soir la Belgique va marquer, qu'on va gagner face à la Suède. Et donc, a priori, de temps en temps, on devrait crier « Goal !» Voilà, c'est ce qu'on espère qui se passera ce soir en direct de Nice. Alors justement, on va s'entraîner, on va se préparer à crier quand il y a des goals et on va tenter de battre ensemble le record du monde. Il dure 36 secondes, le plus long goal d'un commentateur. Vous, est-ce que vous arrivez à faire plus? En tout cas, on verra tout à l'heure qui fait le mieux dans cette émission. Celui ou celle qui fait le plus long goal de l'émission repartira avec cette compile. Pour vous inscrire, vous envoyez simplement Diable par SMS au 6003. Bonne chance. On démarre cette émission en allant à Chauxfontaine où il a été décidé de proposer au vote ce soir lors du conseil communal l'installation de 52 caméras de surveillance dans les cours des écoles communales. Il y a 6 écoles, 52 caméras qui vont être réparties dans ces différentes cours si c'est voté ce soir. Laurent Burton, vous êtes bourgmestre faisant fonction de Chauxfontaine et vous êtes ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir à quelques minutes de ce vote au conseil communal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de placer des caméras dans des cours d'école? Parce que quand on apprend cette info, ça peut paraître peut-être surprenant à première vue de se dire que nos enfants vont être filmés pendant qu'ils jouent dans la cour. Voilà, je comprends effectivement que ça puisse être surprenant. Le but est évidemment de s'occuper de tout ce qui peut se passer dans les cours de récréation de nos écoles en dehors de la présence des enfants et des enseignants. Le but en fait est de répondre à une série de méfaits, en fait, d'incivilités qui se sont déroulés dans les différentes écoles de notre commune. Chauxfontaine compte 6 écoles communales, c'est beaucoup, et ce sont des écoles qui ont la particularité d'être ouvertes. Je m'explique, ce sont des cours de récréation qui sont open, finalement, c'est d'ailleurs ce qui fait leur intérêt, leur charme, mais à tous avantages, il y a des revers, et évidemment, l'accessibilité de ces cours fait que des enfants, ou plutôt des adolescents, ou des jeunes adultes, se baladent dans les cours de récréation et dans les terrains de jeu, en dehors des heures de cours, ce qui n'est vraiment pas un drame, sauf quand ceux-ci cassent des vitres, cassent des bouteilles, laissent des tessons de bouteilles par terre, donnent des coups de canif dans les boiseries, cassent toute une série de matériaux qui sont évidemment à charge du contribuable. Et donc, nous avons décidé de réagir. Et donc, l'idée, c'est de placer ces caméras qui surveilleront en dehors des heures d'utilisation normale de l'école, j'ai envie de dire. Mais voilà, est-ce qu'on est sûr qu'elles ne vont pas être utilisées pendant les cours, pendant la récré, par exemple? Ben, c'est pas le but. Donc, l'objectif est de se servir de ces caméras en dehors des heures de cours. Donc, c'est-à-dire dès l'instant où les enfants quittent l'école et jusqu'au moment où ils reviennent à nouveau à l'école. Nous allons connaître notamment ici pendant les vacances 2 mois d'inactivité pendant les vacances scolaires, évidemment. Eh bien, il est important pour nous de pouvoir préserver le bien. Donc, le but est effectivement et uniquement de préserver les biens d'autrui. Ce sont les biens de tout le monde, hein, de tous les Calédifontains et les Calédifontaines. Les impôts communaux qui permettent d'assurer ceci, évidemment. Vous savez si ça existe déjà dans d'autres écoles communales en Belgique? Je vais être très honnête avec vous, je n'en sais rien. Alors, est-ce que vous suppose que oui. Je pense que d'autres initiatives comme celle-là, nous ne serions certainement pas les seuls à avoir subi une série de dégradations. Ce ne sont jamais des faits extrêmement graves, mais bout à bout, ce sont des éléments qui sont coûteux pour la collectivité et nous devons réagir. On ne peut pas laisser les choses se dégrader ainsi. Et par ailleurs, les directions scolaires sont elles-mêmes demanderesses, elles souhaitent que nous intervenions pour que le lundi, quand le directeur et ses enseignants les enfants d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs assez traumatisant. Que tout soit sur un ordre en revenant après le week-end. C'est évident, bien sûr. Merci Laurent Burton pour vos explications. Et donc, avec on verra si c'est voté ce soir au Conseil communal. À 18h le Conseil communal, parce que nous avons avancé le Conseil pour des raisons que vous imaginez. Ah, ben oui, il y a des priorités. Comme Belgium. Mais bon match, bonne soirée. Merci, Laurent. Merci à tous également. Alors, on va s'intéresser à l'aspect légal. Vincent Lamberts, vous êtes avocat spécialisé en nouvelles technologies. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Est-ce qu'une école, que ce soit celle de Chauxfontaine ou d'autres, hein, puisque d'autres cas existeraient peut-être en Belgique, est-ce qu'une école peut mettre des caméras de vidéosurveillance dans une cour de récré? Est-ce qu'on peut s'assurer que les images ne sont utilisées qu'en cas de problème? Alors la réponse est oui, pour autant qu'on respecte le cadre de la loi de 2007 qui est appelée la loi caméra. En gros, et sur base des explications de M. le bourgmestre Burton, des informations qu'il nous a données, je pense qu'on est tout à fait dans le cadre de cette loi-là qui vise spécifiquement les dispositifs mobiles ou fixes de caméras destinés à prévenir des dégradations ou tout autre type de délit qui pourrait survenir dans le cadre des cours de récréation, a fortiori si en l'occurrence les images sont prises en dehors de la présence des enfants. La seule chose à laquelle il faut être vigilant, c'est qu'il y ait une obligation de notification à la commission de la vie privée et d'autre part, une obligation, bien entendu, de ne poser aucune caméra cachée et au contraire de bien apposer des pictogrammes qui annoncent la présence des caméras puisque c'est ce pictogramme qui vaut en fait autorisation des personnes qui seraient éventuellement filmées pour être filmées. Et voilà, une fois qu'on passe une enceinte où il y a ce pictogramme, on accepte d'être filmé en fait. Voilà, et pour le reste, il n'y a pas de visionnage en direct qui est autorisé, sauf pour justement permettre de prévenir un délit, et les enregistrements qui se font de toute façon de manière générale sous la responsabilité du bourgmestre, ils ne sont autorisés que précisément pour réunir des preuves sur des dégradations et des délits qui pourraient donc interdiction de regarder si un professeur arrive en retard, si un élève arrive en retard ou si un élève commence à se bagarrer dans la cour. On ne pourra pas les utiliser clairement. Pour ça. Clairement. C'est, ça, c'est en dehors du scope de la loi de 2007, effectivement. Oui. Eh bien, merci beaucoup Vincent Lamberts pour vos explications. Bonne soirée. À bientôt. Il est 17h20, c'est une toute petite pause. Et puis la suite de ce 5 à 7. UEFA Euro 2016. Ce mercredi, la Belgique vibre au rythme des diables. Dès 19h, en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Dans les stades, Hongrie, Portugal, Islande, Autriche, Italie, République d'Irlande. Et à 21h, Suède, Belgique. Vivez en intégrale le dernier match des diables en phase de groupe avec Thierry Luthers et Manuel Jousse en direct de Nice. Avec voyage-sncf.com et l'Office du Tourisme et des Congrès de Nice. Envie de vibrer où, quand et comme je veux ? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? On va s'entendre. Demain dès 11h, sur Vivacité. Massive est devenue Light Gallery. Bénéficiez de notre action 2 plus 1 gratuit sur une large sélection de luminaires. Rendez-vous dans votre magasin à Liège, rue Danse ou sur lightgallery.com. Conditions en magasin. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Vous voulez un deuxième couvert pour la Non, on va se débrouiller. On est attablé au comptoir d'une des poissonneries les plus connues de Bruxelles, Place Sainte-Catherine. Et je dois dire, un de mes endroits préférés à Bruxelles. On peut commander en français, en anglais, en néerlandais. C'est toutes les communautés en un endroit et ça me plaît beaucoup. Est-ce que je peux terminer ma croquette de crevettes ? Vivacité. Bruxelles nous rend complices. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Ce week-end, Vivacité vous offre vos places pour le festival Couleur Café. Chic. Arnaud, Selassou, Soprano, Magic System. Ils vous donnent rendez-vous du 1er au 3 juillet à Tour et Taxi à Bruxelles. Pour remporter vos places et même un pass 3 jours avec 2 nuits au Hilton Brussels City, rendez-vous ce week-end dans le Tip Top et ces années-là. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 26 juin l'étape de la Calamine comme si vous y aviez participé. Avec des milliers de beaux héros escortés par David Jeanmotte et les supporters des Diables Rouges dans la communauté germanophone de notre royaume. Tchuss et tous ensemble, ce dimanche, après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Viva 7h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec de l'orage au menu de la soirée, de violents orages qui devraient éclater vers 21h. Alors à Nice, pour Suède-Belgique, on n'annonce pas trop de soucis, mais du côté de Lille, ce sera plus compliqué. Lille qui accueille le match Irlande-Italie. Le préfet demande à l'instant aux supporters d'anticiper leur déplacement pour éviter d'arriver au stade pendant les orages. Météo France, il faut le dire, prévoit un premier épisode orageux vers 21h au moment du coup d'envoi. Le département du nord de la France est en vigilance orange depuis 4h cet après-midi. Et il restera en vigilance orange jusqu'à demain 23h. Il faut dire que l'ouest de la Belgique est aussi concerné. Alors les Diables, eux, eh bien, c'est pour bientôt leur match. 12 000 supporters sont à Nice pour assister au match contre la Suède. L'ambiance monte aussi aux abords des écrans géants un petit peu partout dans le pays. Dans les titres aussi, le fameux Brexit. 46 millions de Britanniques votent demain pour dire s'ils veulent ou non rester dans l'Europe. Les bureaux de vote ouvrent à 8h du matin. Ils ferment à 23h. Pour l'instant, pas de pronostic en faveur du oui ou du non. Les instituts de sondage donnent les deux camps au coude à coude. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo tout de suite. Dominique, ça dit quoi? Encore une nuit très douce en perspective. 15 à 20 degrés avec quelques averses résiduelles. Puis demain, confirmation de cet air chaud qui va régner sur la Belgique avec des maxima de 25 à 30 degrés. Un temps lourd dès le matin et des averses orageuses parfois violentes qui sont à craindre sur la moitié ouest du pays. La situation va évoluer peu et les frontières de l'Est pourraient même échapper encore à ces orages. Alors finalement, vendredi, les averses gagneront toutes les régions, mais vont perdre en intensité. Température en légère baisse aussi, 21 à 26 degrés. Et sur les routes, comment ça se passe? C'est le point RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Blouberg. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, on a une voiture sur le flanc sur le Ring 3 de Charleroi à hauteur de Montigny, le Tilleul. Le passage est difficile, la circulation est quasi à l'arrêt à cet endroit en direction d'Épigny. Défile en zone de chantier sur le 42 de Mons-Liège entre Boisden et Manas. Défile sur 5 km vers Mons et sur 4,5 km à peu près en direction de Liège. Du côté du ring à présent, vous pouvez compter une demi-heure supplémentaire en circulation intérieure Zaventem-Carrefour-Léonard. Une demi-heure supplémentaire également en circulation extérieure Zaventem-Grand-Bigard. Des ralentissements habituels sur la petite ceinture de Bruxelles. Et puis on a des ralentissements sur le 17 Courtrai-Lille à Riquem depuis Albé que vous perdez une dizaine de minutes en direction de la France. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Il y a un volcan islandais qui nous avait embêté il y a quelques années. Vous avez peut-être été bloqué à l'époque à cause du ciel qui était paralysé sur toute l'Europe. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle situation identique? La question est posée en tout cas avec une nouvelle éruption. En tout cas, un volcan prêt à entrer en éruption à nouveau en Islande. Et on nous dit dans la presse aujourd'hui, une catastrophe est envisageable. On y revient dans quelques secondes sur Vivacité. On parlera de sport, de l'Euro 2016 bien sûr, avec la petite gazette insolite de l'Euro dans quelques minutes. Et à propos de cet Euro, on va s'entraîner, on va tenter de crier le plus possible goal ce soir. On espère qu'on va en marquer face à la Suède, qu'on va dominer les Suédois. Et pour ça, je vous demande un truc cet après-midi, c'est de tenter de battre le record du monde du plus long goal. C'est un Brésilien qui le détient. Le goal dure 36 secondes. Est-ce que vous allez faire mieux? En tout cas, celui ou celle qui fera le plus aujourd'hui repartira avec la compilation Allez les Diables. Il y a Xavier qui est avec moi. Bonsoir Xavier. Ouais, salut. Bienvenue Xavier, vous êtes de quelle région? Jeudine. De Jeudine, et vous allez tenter le plus long Gaulle du monde. Il y a un entraînement que vous avez réalisé dans votre voiture. Vous avez fait combien de temps dans votre voiture? Et quand je t'ai entendu, je me dis, je vais essayer. Comme un peu bêtement, je vais faire 42 secondes. 42 secondes. Alors, on retente la même chose en direct, Xavier. Allez, je vous donne le décompte. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Go! Seconde déjà. Ah, ça faiblit. 42 secondes et 6 centièmes, Xavier, pas mal, bravo, champion, je vous applaudis. Champion du monde. Eh, bravo. Champion du monde. Si personne ne fait mieux que vous pendant cette émission, Xavier, vous repartez tout à l'heure avec la compile, d'accord? Et dans le Guinness Book? On va les appeler. Je passe un coup de téléphone après l'émission pour vous y ajouter. Xavier, on s'y est en courant, peut-être à tout à l'heure. Si vous voulez faire mieux que Xavier, 42 secondes à battre, c'est faisable peut-être, n'hésitez pas. Vous envoyez Diable par SMS au 6003. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires mini format premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Alors, voilà la maison. Bah, l'électricité, je crois qu'il y en a. Le toit, ils l'ont mis au-dessus. Le chauffage, ça, on croise les doigts. Vous la prenez? Votre voiture non plus, vous ne la vendriez pas comme ça. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour revendre votre voiture au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Oh, les vacances, ne plus penser à rien. Ouais, enfin, faudrait pas tomber en panne comme l'année passée, hein. Bon, c'est pas grave. Oui, pas grave, pas grave. Ça dépend, parce que... Avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et si vous tombez en panne et que votre voiture ne peut être réparée, Touring vous en prête une jusqu'à 15 jours. Oh, remettez les cigales alors. Plus d'infos au 0800 24 024. Offre soumise à conditions. Cette année, Hawaii se met à l'heure d'Hawaii pour la braderie d'été. Du 23 au 26 juin, les meilleurs prix dans une ambiance de fête hawaïenne. Bar, animation musicale, menu hawaïen et nocturne le vendredi jusque 22h. Rendez-vous à Hawaï. Non, à Hawaï du 23 au 26 juin. Hawaï, il s'y passe toujours quelque chose. Hawaïcommerce.be. Un petit mot sur cette nouvelle victoire? Je pense que, dans l'ensemble, l'équipe a fait un beau match. Ben, moi chérie, je pense qu'il est temps de lever ses petites fesses et de filer chez Biémarbois. Le plus large choix de terrasses, bardages et aménagements extérieurs. Ça, c'est un trio offensif de rêve. Hmm? Biémarbois, à Soumagne et Malmedy. L'équipe la plus complète pour vos aménagements extérieurs. Biémarbois, des conseils diablement pro. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malou, Big Flo et Oli, IBI, Musti, Christophe, Nekfeu, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, La 2, La Ville de Liège et Moustique. Il y a du théâtre à aller voir la semaine prochaine au profit de Via for Life. Vous irez voir Le Malade Imaginaire avec les animateurs et les journalistes de la RTBF. Il y aura Guy Lemaire sur les planches, Véronique Barbier, François Mazur, Joël Scorils, Gérald Watley, Philippe Soreille, Cédric Wautier, James Dino, plein de monde sur scène. Et vous dans la salle, tout ça au profit de Via for Life. C'est ces 26 et 27 juin au théâtre Le Public. Il reste quelques places, donc dépêchez-vous si vous voulez réserver. Je vous donne le numéro de téléphone et faites-le tout de suite, hein, comme ça vous êtes sûr que c'est fait. 0800 944 44 0800 944 44. 17h 19h 5 à 7. Vivacité. On parle de sport, la petite gazette de l'Euro avec Jérôme Elguers. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Alors Belgique-Suède, c'est ce soir, les fans sont bouillants, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal. Tout a été dit sur les Diables Rouges, ou presque. Alors avec vous, on va se faire une petite gazette de l'Euro et les infos qu'il ne fallait pas louper aujourd'hui. On commence par Cristiano Ronaldo qui se prépare manifestement pour les JO. Ben oui, hein, vous le savez, le foot ça va plus trop pour lui. La star portugaise n'a pas encore marqué dans cet Euro. On grossit le trait, hein, mais il s'est juste distingué en râlant sur les Islandais et en ratant un pénalty contre l'Autriche. Alors oui, il se prépare peut-être pour les JO dans la catégorie lancée de micro. Ce matin, lors de la traditionnelle promenade d'avant-match, un journaliste portugais a demandé à Ronaldo s'il était prêt pour le match crucial de tout à l'heure. Ouais. Le triple ballon d'or, manifestement agacé, a pris le micro des mains du journaliste et pour seule réponse, eh bien, il a lancé le micro dans la rivière. On le sent tendu, Ronaldo, dans cet Euro parce qu'il est habituellement plutôt dispo pour les médias. Mais là, il faut préciser que le journaliste en question bosse pour une chaîne de TV avec laquelle Ronaldo a déjà eu de nombreux problèmes et qu'il accuse de créer des polémiques de toutes pièces depuis plusieurs années. Il va devoir rembourser un micro maintenant. Oh, je suis pas sûr. Tant qu'on parle de polémique, Jérôme, on avait la version française avec Pogba et son bras d'honneur. Maintenant, la version espagnole avec le doigt d'honneur. Oui, un doigt d'honneur subliminal que le défenseur Gérard Piqué aurait brandi très discrètement pendant l'hymne espagnol. C'était hier soir dans le match Croatie-Espagne. C'est en fait un arrêt sur image qui alimente cette polémique. Au moment des hymnes, vous savez, les joueurs se tiennent souvent bras dessus. Ouais. La caméra passe devant tout le monde et au moment où la caméra est passée devant Piqué, que s'est-il passé? Non, le compagnon de Shakira n'a pas dansé le Waka Waka, il a déplié son majeur. On parle bien du doigt. Hein. Oui. Parce que comme on avait déjà vu des photos où il dépliait autre chose. Non, ici on parle du doigt, d'accord, son majeur. L'arrêt sur image a fait le tour de la toile parce que contrairement au bras d'honneur de Pogba, le geste ici aurait une portée politique. Vous savez que Piqué évolue au Barça, que le Barça s'est à Barcelone, en ouais. Catalogne, et que Piqué a souvent défrayé la chronique pour ses prises d'opposition en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Le défenseur s'est défendu sur Twitter en disant qu'il avait simplement croisé les doigts et qu'il ne fallait pas faire de polémique là où il n'y en a pas. Bon bah alors on va l'écouter, on va pas faire de polémique, on va trouver quelque chose de plus léger. On va parler coiffure par exemple. Oui, la coiffure turque fait parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du match Turquie-Croatie, le défenseur turc Ozan Tufan avait été pointé du doigt par la presse de son pays parce qu'il s'était recoiffé au moment où le Croate Modric avait marqué le premier but. Il était devenu un paria, mais hier il s'est racheté en inscrivant le but de l'espoir contre la République tchèque. Tufan permet aux Turcs de s'imposer, de croire un peu à la qualification. Après s'être refait une beauté, il s'est donc refait une place dans l'équipe. Alors un mot des supporters, quand les Allemands, les Suisses et les Roumains marchent, les Belges préfèrent plonger. Oui, jusqu'ici on avait assisté à plusieurs fanwalks pendant cet Euro. Les supporters d'un même pays se donnent rendez-vous à un endroit et marchent ensemble jusqu'à un autre endroit de la ville. C'est sympa et ça a fait de belles images pour les TV. Les Belges ont préféré se donner rendez-vous sur la plage de Nice pour un grand plongeon collectif, voilà, qui est déjà plus créatif. Alors deux petites choses encore, Cyril. D'abord, l'anniversaire du jour, on va jouer devinette. J'ai 30 ans aujourd'hui. Bah, bon anniversaire. C'est un Argentin qui m'a donné naissance le 22 juin 1986. Ce jour-là, j'ai choqué le monde entier et j'ai fait pleurer de très nombreux Anglais. Je suis la main de Dieu. Le célèbre but de Maradona de la main au Mondial 86, ah, eh bien, c'est 30 ans, comme ça. 30 ans jour pour jour. Donc que ce soit clair, si un Belge marque de la main ce soir, ce ne sera pas de la tricherie, mais juste un hommage. On a déjà les excuses avant même que ça se passe. Voilà, c'est parfait. Je vous propose de terminer avec un peu de musique, ça adoucit les mœurs. Et on en a bien besoin à 3 heures du match crucial de musique. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Ah oui, Gala. Ouais, c'est bien Free la chanson Free From Desire de Gala. Mais ici, je chante. Ce sont les supporters nord-irlandais qui chantent. Dans cette émission. Un peu mieux que vous d'ailleurs. Les supporters nord-irlandais qui chantent donc Gala. Et c'est presque devenu la chanson officielle de l'Euro, tellement elle résonne dans toute la France. Sauf qu'en fait, les paroles sont différentes par moments. Écoutez bien cet autre extrait. Will Grigg Grigg is on fire, en français Will Grigg est en feu. Alors c'est évidemment un hommage. Will Grigg, c'est un joueur nord-irlandais, mais c'est un peu l'anti-star. Le mec est réserviste, il joue à Wigan en Détroit anglaise et il n'a marqué qu'un seul but pour son équipe nationale. Mais il a un fan, c'est Sean Kennedy qui lui a fait cette chanson. La suite, vous la connaissez, c'est devenu viral, un buzz au point même que les Anglais l'ont adapté avec les noms de Vardy ou Rooney. Les Islandais le font aussi. Bref, c'est la grande mode. Et vous avez une version pour la Belgique ? Mais j'allais le dire. Les Belges, c'est un peu plus difficile. Hein. Bah, De Bruyne is on fire. Il faut faire un peu à l'anglaise. Ouais. Ah, bah, ce qu'on fait, vous revenez pour le journal des sports tout à l'heure. Oui. On termine le journal des sports avec une version belge de la chanson. Et vous chantez. Bah, si vous m'écrivez les paroles et on le chante ensemble. On fait ça ? Ensemble. Ensemble, on fait Allez, un duo. On essaye ça. Et puis ça va se vendre et on va partir vivre à l'autre bout du monde. Ouf, magnifique. Bah, rendez-vous tout à l'heure, vraiment Jérôme. Allez. On le fait. On le fait tantôt. À tout à l'heure pour le journal des sports, il est 17h44. J'ai des cadeaux pour vous là tout de suite. Si vous avez envie de vous évader en famille, ça tombe bien parce que grâce au beau vélo de Ravel que vous allez rencontrer tout au long de l'été et 365.be et le Ciné-Télé-Revue, vous allez partir cet après-midi. Enfin pas cet après-midi, c'est pas là que vous devez partir maintenant, mais vous allez gagner 4 accès au parc à Gibier. Ça se trouve à La Roche en Ardennes et vous allez pouvoir découvrir des daims, il y a des ratons laveurs sur place, il y a des chefs de montagne aussi et des magnifiques animaux à découvrir, tout ça en famille. Alors le parc à gibier, c'est pour vous, à une condition que vous m'envoyez un petit SMS maintenant avec le code Ravel, simplement Ravel au 6003, c'est 75 centimes le message. Je vous souhaite bonne chance. Et là, on va parler d'un volcan tout de suite. Normalement, on devait avoir un petit jingle, mais visiblement, nous avons des animaux qui sont en régie et on aime bien écouter des poules, des coqs. Voilà, c'est une grande passion pour les animaux ici à Vivacité. Alors, on parle de volcan, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on lit que un nouveau volcan, l'Éclat, c'est un volcan islandais, pourrait entrer en éruption et ce serait une catastrophe à envisager. On se souvient du volcan islandais Eyjafjall, que je prononce peut-être pas exactement comme il faut, mais en tout cas qui avait posé d'énormes problèmes dans l'espace aérien il y a quelques années. François-Dominique Delarouzière, vous êtes directeur scientifique du parc Vulcania, le parc sur les volcans en Auvergne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans le 5 à 7 ce soir. Est-ce que Éclat, ça va être comme Eyjafjall il y a quelques années ? Est-ce que ça va être un gros bordel dans le ciel ? Alors, je ne m'appelle pas Madame Soleil et je pense qu'aucun scientifique ne peut faire de pronostic précis à cet égard. En revanche, il y a un certain nombre de choses qui sont très claires, c'est que ce volcan n'est pas couvert d'un glacier, comme l'était l'Eyjafjallajökull. Et donc, même si en ce moment, il y a encore quelques névées, comme on le voit sur les webcams qui sont installées à proximité du volcan, il n'y a pas de risque d'avoir de la vaporisation comme ça du glacier et le morcellement de la lave sous forme de cendre très importante. Donc, ça ne sera certainement pas la même chose que ce qui s'est passé en 2010 avec son petit voisin du sud, puisque l'Éclat est situé à une vingtaine de kilomètres, 25 kilomètres au nord de l'Eyjafjall. Quand on dit aujourd'hui qu'une catastrophe est envisageable, on exagère complètement alors ? Alors, on exagère complètement parce qu'on a la mémoire courte. C'est un volcan qui fait partie des volcans les plus actifs d'Islande. Ce que je peux dire, c'est que de l'année 1104 à 1947, il avait une éruption tous les 50 à 60 ans en moyenne. Et quelquefois, ça allait jusqu'à 80 ans. Et on peut dire que chaque fois qu'il se réveillait, ben le réveil était d'autant plus violent que la période de repos avait été longue. D'accord. Donc plus il était endormi longtemps, plus il se réveillait violemment. Alors effectivement, la dernière grande éruption, très grande éruption, c'était en 1947. Et puis, 23 ans plus tard, ça a étonné tout le monde, et en particulier les volcanologues islandais, puisqu'il s'est réveillé de nouveau, avec seulement 23 ans d'intervalle. Et puis on a eu une nouvelle éruption en 1980, puis en 81, puis en 91, puis en l'an 2000. Et finalement, c'était devenu complètement anormal, ces intervalles extrêmement courts entre deux éruptions. Et ben là, voilà, on a 16 ans de sommeil, c'est pas grand-chose. Il y a eu des sommeils beaucoup plus importants. Donc le réveil sera peut-être pas très très violent. Il tout saute, quoi. C'est comme nous la nuit, on tousse un coup, on se retourne et on redort. Exactement, parce que l'échelle de vie des volcans, c'est pas l'échelle de la vie des hommes. On est effectivement dans un petit sommeil léger quand on a 50 ans d'inactivité. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, il y a des mouvements, des augmentations de pression à l'intérieur du volcan que les capteurs mis en place par les volcanologues islandais ont très bien détecté. Ce n'est pas un scoop. Le professeur Einarsson avait été célèbre en 1980 parce qu'il avait prédit le réveil du volcan quelques heures plus tard. Et on avait trouvé ça tout à fait impressionnant. Alors là, il dit qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui se produisent sous le volcan, mais on a à Clermont-Ferrand un professeur islandais qui s'appelle Holger Sigmarsson, et avec qui je discutais il y a quelques mois, et qui me disait « Ah, on surveille quand même l'éclat parce que c'est probablement le volcan le plus sérieux pour le plus sérieux candidat pour une éruption dans les mois à venir. Ouais. » Eh ben merci pour ces explications, François-Dominique de la Rousière. Et alors, ce qu'on va faire, je propose que vers la semaine prochaine, on essaie de parler de Vulcania comme un bon plan en vacances, parce que vous êtes sur la route des vacances, justement, en Auvergne, et on peut s'amuser tout en apprenant sur les volcans, comme vous le faites régulièrement dans cette émission. Dès qu'on a l'occasion de parler de volcans, vous le faites avec plaisir. Donc, on parlera, je pense, la semaine prochaine de cette petite étape sur la route des vacances. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans le 5 à 7, nous parler d'éclat. Et donc, a priori, pas de soucis à se faire. 17h49, une toute petite pause dans le 5 à 7, et on revient dans un instant. Avec le grand cactus, le cactus, parce que c'est pas le grand, c'est le petit du matin dans le 8-9, le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive sur Vivacité. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course GT au monde, sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits, concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. Un sol stratifié pas cher, vous pouvez en trouver n'importe où. Mouais. Mais un sol stratifié de qualité à 6,25€, vous ne le trouverez que chez Big Mat. 6,25€ au lieu de 8,95€, c'est déjà une belle promo. Mais si en plus on parle d'un sol stratifié système clic de 7 mm d'épaisseur, ça devient imbattable. Et dans différentes teintes en plus. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. Trois jours, des milliers de vraies bonnes affaires, des offres époustouflantes. Êtes-vous prêts? La braderie de Fleron, c'est ce week-end. Les 24, 25 et 26 juin, le rendez-vous shopping. Également au programme, musique, animation. Et dimanche 26 juin, l'avenue des Martyrs sera piétonne. La braderie de Fleron, les 24, 25 et 26 juin. Soyez prêts. Vivacité présente, essayez plutôt la ville à vélo. Visitez l'expo Cité Cyclo au musée des transports à Liège du 28 mai au 30 novembre. Plus d'infos, www.musée-transport-avec-s.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, le Commissariat Général au Tourisme et le TEC. Le rendez-vous dominical par excellence, c'est la Batte. Alors ne manquez pas celle de ce 26 juin, car la Batte passe la Meuse pour s'étendre rive droite au milieu de 300 brocanteurs. Et par-dessus le marché, vous profiterez de prix fous chez les commerçants d'Outre-Meuse. Encore une bonne idée de l'échevinat du commerce de la ville de Liège. Les 25 heures VW Fun Cup, la course d'endurance la plus fun au monde. Avec plus de 100 voitures au départ, une ambiance unique et en exclusivité mondiale, la possibilité de vivre la course en tant que passager en biplace. Vivez cet événement familial le week-end des 9 et 10 juillet sur le circuit de Francorchamps. Entrée offerte sur le site de l'organisateur Chronos Events. Avec la 2 et Vivacité. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On est sur un gros concours cet après-midi, on est sur un gros challenge, il faut dire le goal le plus longtemps possible, record du monde 36 secondes, et on s'entraîne pour ce soir pour le match, forcément on va marquer un maximum de buts, je l'espère, face à la Suède. Alors tout à l'heure, nous avons un auditeur qui a réussi à faire, c'était Xavier, il a fait 42 secondes et 6 centièmes, j'accueille Jonathan de Liège tout de suite, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Jonathan, si vous avez le record, si vous battez, si vous faites le goal le plus long, vous repartez avec la compile Allez les Diables, double CD, un CD pop rock, un CD dance. Coupez la radio qui est derrière vous, Jonathan, comme ça on n'a pas d'écho, et je vais vous demander de prendre votre respiration, tel un athlète qui monte sur le terrain, et vous faites le goal le plus long. Vous êtes prêt, Xavier ? Jonathan, je suis prêt, oui. Jonathan, pardon. Jonathan, on y va. 3, 2, c'est parti. Go. Vous pouvez le faire en même temps dans la voiture chez vous, hein, essayez de d'être aussi long que Jonathan. 25 secondes. Va-t-il battre les 42? 30 secondes. Ah, ça faiblit, 30 secondes. Oh, oh, oh. J'ai raté. Ah, 37 secondes et 25 centièmes, Jonathan. On était pas loin, on est à 5 secondes de Xavier tout à l'heure, mais c'est pas assez pour repartir avec la compile. Mais la performance est déjà très très bien, 37 secondes. Vous êtes plus puissant, plus fort que le record du monde. Je vous félicite, Jonathan. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Avant de partir, un pronostic pour ce soir. Alors, 2-0 pour la Belgique. 2-0, ça vous laissera l'occasion de vous entraîner deux fois tout à l'heure en criant goal. Je vous souhaite une bonne soirée, Jonathan, à bientôt à Liège. 17h54, voici le cactus de Jérôme de Warzé. Si vous, vous voulez battre ce record et repartir avec la compile, vous vous inscrivez, vous envoyez Diable par SMS au 6003. Cactus, l'actu du jour, Jérôme, et vous vous êtes fait fort de ne piper mot sur le match de ce soir. Mais parfaitement, je n'en piperai. Bonjour à toutes et tous. Goeiemiddag, Iker le mâle en alle femellesen. Je ne m'épancherai pas sur le décisif Belgique-Suède de ce soir. Nous allons en bouffer demain jusqu'à la rupture des ligaments croisés. Juste signaler aux sinistres abrutis qui ne touchent pas une bille au mode de classement à l'euro que, oui, donc oui, c'était une bonne affaire de perdre contre l'Italie. Ceci afin d'éviter l'Espagne en huitième de finale et l'Allemagne en quart. Mais non, non, non. Si l'on perd aussi ce soir contre la Suède, nous n'allons pas en finale d'office. Hein. Ça n'est tout de même pas compliqué. Notre place en finale, voire plus, hein, événement à côté duquel notre victoire en 45 ferait figure de détail de l'histoire, dépend tout bêtement. Ça fait le sens de la comparaison. Je l'espère. Dépend, c'est tout bête. Hein. Donc, notre place en finale dépend du sixième match des Croates face au vainqueur de B1, C2, E3, A1. Pour autant que l'Albanie ait une différence de but supérieure à celle du battu de Q8, V6, R2, D2, divisé par le nombre de cartons décernés aux Autrichiens sur un ratio des verres de Guinness lancé par les Irlandais au prorata des fumigènes bu par les Anglais. C'est le contraire. Vous embrouillez tout, hein, Benjamin Maréchal. Oui, je vous ai regardé bizarrement. Dois-je vous rappeler qu'un jour, Rodrigo Benkens a sorti ses tableaux en direct lors de l'émission La Tribune et a tenté de nous expliquer le système belge des play-offs, ce qui a contraint Jean-Paul Philippot à provoquer lui-même un court-circuit en enfonçant sa carte du parti dans la prise pour débrancher tout le bitonio. Le saviez-vous? Vous êtes conscient de ce que vous dites. Bref. C'est lui qui nous paye, mon vieux. On m'aurait menti. Bref, il est donc exclu que je m'épanche sur cette joute sportive dont certes l'enjeu est d'envergure puisqu'il pourrait permettre à ma femme de reprendre le contrôle total de ma télécommande dès demain. Ne nous laissons pas déborder par l'enthousiasme mais honnissons cette tactique qui voudrait nous faire croire que ce soir Zlatan est le seul danger et que notre devise serait tout sur un seul homme, ce serait non seulement suicidaire, mais également l'inverse des mœurs pratiquées lors des retraites au Collège Saint-Michel. Certes, l'excitation est grandissante. Faut de la mémoire pour suivre. Sûr, ben oui, on parlera de Dory tout à l'heure d'ailleurs. Certes, l'excitation est grandissante. C'est le début de l'été de surcroît, et vous en conviendrez, il fait plutôt chaud pour un mois de novembre. D'ailleurs, hier, Saint-Nicolas était déjà à City 2, hein, à Bruxelles, pour y déposer ses cadeaux. Oh. Mais oui, et des biscuits. Dont une petite ceinture explosive contenant du sucre et des biscuits. La tension, au contraire, du sucre était palpable. Après, oui, c'est pas fini. Vous allez, après Noël Godin et les attentats pâtissiers, voilà Sucra Abdeslam, vous voyez. C'est très fin, ça c'est un déséquilibré et pas qu'au cholestérol. Manifestement d'obédience, plus diabétique hormonale qu'islamique radical, a été appréhendé par la police qui aurait repéré une planque du côté de Tirlemont, où la police a d'ailleurs mis la main sur un arsenal très impressionnant, cassonade, spéculose, tragibus, tagada, cuberdon, bablut. N'édulcorons pas la situation, nous eussions pu être dans la mélasse. Bon, j'arrête. Alors, vous l'avez compris, donc, nous jouons la Suède ce soir et je tente de meubler l'occasion de ressortir ce fameux dicton philosophico-philosophique. Donne une boîte Ikea à un homme, il travaillera toute la journée. Ne mets pas le plan dans la boîte, il travaillera toute sa vie. C'est vrai. Moi aussi, j'ai déjà cédé aux sirènes d'Ikea, la chair et le portefeuille est faible. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut ramener chez soi une Suédoise de qualité qu'on peut monter en 20 minutes avec un petit instrument. Bref, ce soir, stupéfiant. Tous derrière les diables, ne vendons pas la peau de Zlatan avant de l'avoir pensionné. On le sait dans ce pays, même si les les pensionnés se cachent pour mourir, leurs revendications pourraient bien faire tomber un jour la Suédoise. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Juste avant le journal La Météo, Dominique, il y a une alerte orage. Oui, parce que les prévisions viennent un peu de changer. Alerte orage valable de ce soir jusqu'à vendredi soir. Le temps devient lourd et orageux et on surveille des orages qui remontent actuellement de la région parisienne vers notre pays. Les maxima atteignent en ce moment 23 à 26 degrés. La nuit prochaine, encore très douce, 15 à 20 degrés et encore quelques orages possibles. Demain, confirmation de la fameuse bouffée d'air chaud sur la Belgique avec des maxima de 25 à localement 30 degrés. Il fera très lourd dès le matin. Des averses orageuses, parfois violentes, sont à craindre, surtout sur la moitié ouest du pays. Mais le centre sera aussi menacé. Finalement, vendredi, les averses ont gagné toutes les régions, en perdant toutefois en intensité. Température 21 à 26 degrés. Merci Dominique. J'en profite pour féliciter Cédric Boite de Nandrin qui repart avec ses places pour le parc à gibier. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, tu as raison. Et il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Un petit point face à la Suède et la Belgique sera en huitième de finale de l'Euro de football. Nous serons en direct de Nice avec déjà beaucoup d'ambiance chez les supporters belges, vous l'entendrez. Il y a 3 mois, les attentats de Bruxelles. 3 mois plus tard, les premières familles de victimes se sont constituées partie civile aujourd'hui au parquet fédéral. Elles étaient très entourées par le service d'accompagnement des victimes. Le journal sur Vivacité avec Marianne Brillot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Sortez les couleurs nationales. Les Diables Rouges doivent décrocher au moins un point ce soir face à la Suède pour se retrouver en huitième de finale de l'Euro. L'équipe suédoise sera évidemment emmenée par sa star, Zlatan. On en reparlera dans le journal des sports. L'ambiance monte dans les rues de Nice à 3h du match. Nous allons retrouver en direct Pascal Chimé. Pascal, vous vous trouvez dans la fan zone au centre de Nice. Oui, Marianne, au centre de Nice, dans cette magnifique fan zone, à l'intérieur de ce jardin Albert Ier et de ce théâtre de verdure qui jouxte cette fameuse promenade des Anglais. Le ciel est azur, mais cette ville de Nice, aujourd'hui, eh bien, a pris des couleurs de noir, de jaune, de rouge et de bleu pour la plus grande joie de tous les supporters. Il y a déjà énormément de monde ici dans cette fan zone. Plusieurs centaines de Belges déjà s'y sont réunis, rassemblés pour assister à cette première rencontre déjà de la journée avec le Portugal face à la Hongrie. Le Portugal qui pourrait être notre adversaire. Et l'ambiance, eh bien, elle est très très bon enfant. Je vous propose d'ailleurs, Marianne, d'écouter Antoine. Antoine, c'est un des supporters belges qui vient de Braine-le-Comte. On est arrivé à Nice avant-hier et on a loué en fait une villa à Mons. Mons en Provence, pas Mons dans le Hainaut. Et en fait, on s'est posé. Donc on a fait Lyon-Bordeaux avec le même groupe. Et donc ils ont loué des villas. Nous on s'est rajouté avec les tentes dans le jardin. Et puis on vient plutôt dans Nice ici pour profiter de l'avant-match et pour profiter de l'ambiance, comme vous le voyez, c'est exceptionnel. Et franchement, ça fait plaisir de prendre 2 semaines de congé pour passer des moments comme ça. Ça va être bien. Voilà pour l'ambiance sur fond de culture suédoise. Alors Nice n'est pas Marseille, Pascal, tout se passe bien entre supporters belges et suédois? Oui, depuis hier soir, c'est la communion entre les deux groupes. J'allais même pas dire les deux clans de supporters, les deux groupes de supporters. On se chambre, certes, mais on chante. L'ambiance est splendide et les chants à la gloire de Zlatan Ibrahimovic, eh bien, s'entendent des deux côtés, sauf que les Belges l'ont réinventé en chantant Bye Bye Ibrahimovic. Donc pour l'instant et depuis hier d'ailleurs, et on espère et on est sûr que ça va continuer, l'ambiance est bon enfant. On attend près de 10 000 personnes ici dans cette fan zone, 9 000 Belges dans le stade de Nice et peut-être 4 à 5 000 Suédois dans ce stade, mais pour l'instant tout se passe bien. Super, merci Pascal. Pascal Chimé en direct de la Fan Zone à Nice. On ira évidemment au stade, cette fois dans le Journal des Sports. Attention, cette alerte aux orages pour ce soir et cette nuit sur le nord et l'ouest du pays, notamment prudence, s'il pourrait être accompagné de grêles et de rafales de vent. Il y a trois mois, jour pour jour, les attentats de Bruxelles, avec une étape importante aujourd'hui pour les familles des victimes. Et depuis cet après-midi, ces familles peuvent déposer plainte, se constituer partie civile, ce qui va leur permettre d'avoir un accès au dossier. Plusieurs juges sont mobilisés pour les accueillir au parquet fédéral et à l'abri des caméras. 500 personnes au total d'ici le mois de septembre. Le service d'accueil des victimes a pris en charge l'accompagnement de ces personnes qui se sont déjà présentées aujourd'hui. Pascale Preud'homme est assistante de justice. Ça s'est, je pense, très bien passé. Les juges, en tout cas, sont véritablement à l'écoute. Ils avaient prévu entre 10 à 15 minutes par personne, en tout cas par personne qui se constituait partie civile. Ils ont pris ces 10 à 15 minutes, voire même parfois un petit peu plus. Et l'impression que j'en ai, moi, maintenant, de l'extérieur, c'est que le fait d'avoir rencontré un juge d'instruction, de s'être constitué partie civile, qui est un acte quand même important au niveau de la procédure, j'ai l'impression que ça a, en tout cas, rencontré une certaine demande des victimes. Se constituer partie civile, c'est reprendre les choses un peu en main. C'est être acteur un petit peu de ce qui s'est passé. Reprendre le contrôle. Un peu. Une interview de Radia Sadani. Alors que les professeurs de morale ont décidé d'attaquer en justice le décret qui fixe le cadre des cours de citoyenneté dès la prochaine rentrée, des profs de morale qui se disent lésés, dont le nombre d'heures à donner, notamment cette formation en ce moment à Namur, des professeurs de religion et de morale de primaire qui se préparent justement à donner ces fameux cours. Les premiers d'entre eux viennent de terminer leur formation. Le reportage de Rudy Hermans. Comment accueillir une élève étrangère dans une logique de citoyenneté active et pluraliste. Ils sont 20 dans cette classe et certains sont instituteurs depuis plusieurs dizaines d'années. Alors cette obligation de se former à la neutralité, ça les a un peu vexés. Sandrine Kempeners et Françoise Laffineur donnent cours de religion. Il faut tout remettre en question, oui, c'est pas facile. C'est vrai que je suis un petit peu froissée, je ne suis pas bonne sœur et je me sens tout à fait capable de faire mon boulot de prof. Chacune va donc sans doute perdre une partie de ses heures de cours et peut-être en gagner d'autres et cette incertitude crée l'angoisse. Ma crainte c'est de ne plus avoir de travail, je suis prof de religion. Donc je sais qu'automatiquement mes heures vont tomber à la moitié. Donc évidemment ça me fait un peu peur. Oui, j'ai des craintes. Mes craintes c'est de savoir où je vais travailler, combien d'écoles je vais devoir fréquenter, le nombre d'élèves qui vont m'être confiés. Mais à l'arrivée, après une formation d'une vingtaine d'heures, le bilan est quand même positif. Ça nous a permis vraiment d'élargir nos connaissances et de savoir comment aborder certaines problématiques vraiment de façon neutre dans nos classes. On prend ça avec philosophie, c'est le cas de le dire. J'avais peur que ce cours de neutralité ne soit un lavage de cerveau. Et puis finalement, je trouve que tous les professeurs devraient suivre cette formation. 500 enseignants doivent être formés pour la rentrée prochaine en primaire dans le réseau officiel. En secondaire, l'introduction des cours de philosophie et de citoyenneté est prévue en 2017. Le reportage de Rudy Hermans avec Titiem Kouach. Attention, vendredi, des perturbations à nouveau dans les transports en commun à cause de la grève générale menée par la FGTB. Pas mal de problèmes à prévoir au chemin de fer dès demain soir, d'ailleurs 22h. Problème également dans les techs en Wallonie à la STIB à Bruxelles. La FGTB mène une nouvelle grève nationale pour protester contre les mesures d'économie du gouvernement. Au Royaume-Uni, le in et le out jouent leur dernière carte à moins de 24 heures du référendum, sortir ou pas de l'Union européenne. Plus de 46 millions de Britanniques appelés à se prononcer. Les deux camps ont jeté leur dernière force dans la bataille aujourd'hui pour tenter de faire basculer les indécis qui détiennent une des clés du scrutin. C'est très serré, nul ne sait ce qui va se passer. Déclaration du Premier ministre David Cameron qui joue lui aussi son avenir politique. C'est un petit poisson bleu qui oublie tout, c'est Dory, la copine de Nemo, le poisson clown qui fait son retour au cinéma. Oui, et cette fois elle est la vedette, Dory qui souffre de perte de mémoire à court terme et c'est une maladie qui concerne de plus en plus de personnes à cause du vieillissement de la population. Cette maladie est provoquée par une protéine qui ravage le cerveau, une maladie annonciatrice souvent de la maladie d'Alzheimer. Alors, faut-il s'inquiéter quand on oublie un rendez-vous, quand on ne sait plus ce qu'on cherchait en descendant à la cave? José Antonio Elosegui est chef de la clinique de la mémoire à l'hôpital Ambroise Paré de Mons. On doit commencer à s'inquiéter quand les troubles de la mémoire limitent les activités de la vie journalière. Quand on n'arrive pas à payer les factures parce qu'on oublie à chaque fois les codes, quand on oublie les numéros de téléphone de nos enfants qu'on a fait pendant des années. Quand on a vraiment des difficultés pour la gestion de la vie de tous les jours, je pense que ça vaut la peine, en tout cas, de consulter. Je ne dirais pas que tout oublie ses maladies d'Alzheimer, mais à partir d'un certain âge, je pense que quand c'est tout de la mémoire, qu'on commence un peu à limiter les activités de la vie journalière, il faut commencer à s'inquiéter. Une interview de Delphine Vreux. J'ai pas oublié que c'était Delphine Vreux. C'est bien ça. Je l'avais noté aussi. Vous oubliez des trucs parfois? Toujours. Toujours? Oui. Ah bah, vous allez voir le film? Oui, oui, mais je sais comment ça finit. Merci Marianne. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info tout de suite. Comment ça roule à 18h09? Eh bien Cyril, pas très bien du côté du Ring 3 de Charleroi. En fait, on a deux accidents. Le premier à Montigny-Tilleul, le second dans les files de cet accident. Donc ça ralentit depuis Fontaine-l'Évêque. Vous perdez une vingtaine de minutes sur 2 km pratiquement vers Épinay. Concernant le 42 Mons-Liège et ses travaux entre Boisden et Manage, eh bien vous y perdez là une dizaine de minutes vers Liège. Et un peu moins, mais sur 5 km quand même, où ça ralentit donc en direction de Mons. Sur le ring, nous avons un accident à hauteur du carrefour Léonard en circulation intérieure, donc vers Waterloo, qui provoque des ralentissements qui commencent déjà pratiquement à Vilvorde, hein, jusqu'à donc, le carrefour Léonard vers Waterloo. Et dans ces ralentissements, vous perdez plus d'une demi-heure. Ailleurs, sur le ring, les ralentissements sont habituels. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. Vivacité. Le journal des sports. On se met dans l'ambiance bien belge à la fanzone de Nice pour ouvrir ce journal des sports. C'est avec Jérôme Elgers. Jérôme, les Diables jouent leur qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro. Ce soir, c'est à 21h contre la Suède. Oui Cyril, car ne l'oublions pas, la Belgique n'est pas encore qualifiée. Différents cas de figure sont possibles ce soir. On va analyser tout ça dans le détail. Un peu moins de 3 heures avant le match, on prend le pouls à l'Allianz Riviera de Nice. Bonsoir Thierry Luters. Bonsoir Jérôme. Alors Thierry, les Diables ont besoin de quels résultats pour rejoindre les huitièmes de finale? Mais ce qu'il y a bien quelque part Jérôme, c'est que la Belgique est maîtresse de son destin, puisque un point lui suffit pour assurer la deuxième place de ce groupe E et jouer donc en huitièmes de finale dimanche soir à 21h à Toulouse, soit contre le Portugal qui joue en ce moment contre la Hongrie, soit contre l'Islande. Et ce sont les deux possibilités qui nous attendraient. Mais donc, je le répète, la Belgique, pour ce faire, doit prendre un point. Et a fortiori, trois, ce sera encore mieux ce soir face à la Suède, une équipe qui semble la portée des Diables Rouges, même si c'est peut-être la retraite internationale de Zlatan Ibrahimovic qui va sonner ce soir ici à Nice. À l'inverse, si la Belgique est battue, ben là, ça se compliquerait. Parce que ça dépendrait du résultat parallèle de l'Irlande face à l'Italie. Si nous sommes battus et que l'Irlande bat l'Italie, eh bien, on fera nos valises. En revanche, si l'Irlande ne gagne pas contre l'Italie, que la Belgique est battue, eh bien, nous serions alors sans doute, et même probablement, classés dans les meilleurs troisièmes. Et dans ce cas-là, eh bien, on pourrait hériter de la France ou de la Croatie, ce qui serait évidemment une autre paire de manches, puisque ça nous reverserait dans la mauvaise partie du tableau. Alors, comme d'habitude, Thierry, en avant-match, on a envie de connaître la composition des équipes et la compo des Diables. Est-ce que vous avez une idée ou des indices? Ben, plutôt une idée que des indices, parce que Marc Wilmots a été très évasif une fois de plus à ce sujet. En principe, Carrasco et Dembélé, qui avaient démarré le dernier match face à l'Irlande, ben, sont toujours un petit peu blessés, ne devraient pas être de la partie. Donc, ça ouvre des perspectives sur un flanc à Dries Mertens, ça c'est très probable. Reste le problème du troisième maillon dans le triangle de l'entrejeu. Deux possibilités s'offrent au sélectionneur national. Titulariser Radja Nainggolan ou alors, plus probablement, Marwan Fellaini, toujours indispensable dès lors qu'il s'agit de faire le trafic aérien et peut-être de marquer les 193 cm d'Ibrahimovic, toujours dangereux bien sûr, dans les 16 mètres ou sur une phase arrêtée offensive pour les Suédois. Ah, merci Thierry. Thierry Luters, que vous retrouverez ce soir aux commentaires du match avec son indissociable partenaire Manu Jousse. Et du côté des Diables, on promet du jeu pour Thomas Meunier. Interdiction de spéculer et de calculer les efforts pour obtenir le point du partage. C'est une équipe qui a peut-être un peu de mal à trouver ses marques, qui n'a plus un peu la glorieuse équipe d'il y a quelques années. Maintenant, voilà, c'est quand même une équipe qui a réussi à se qualifier pour l'Euro, et ça, c'est pas rien. On a vu déjà énormément de surprises dans les matchs qui se sont déroulés. Il faut juste être sur notre garde. C'est pas un match gagné d'avance, donc pour moi, on va juste être appliqué, concentré, et on fera la différence. Oui, parce qu'on le sait, un point suffit pour la deuxième place, mais c'est parfois dangereux de spéculer. Ouais, non, bien sûr, faut pas jouer pour le point, faut jouer pour la victoire avec 3 buts d'écart. C'est juste ça qu'il faut faire. Donner son maximum, on sait que voilà, c'est 90 minutes qui nous permettront d'atteindre la phase finale, et voilà, faut surtout pas avoir de regrets. Un petit coup d'œil chez nos adversaires maintenant, où la situation est plus compliquée. Pour poursuivre le tournoi, les Suédois n'ont pas le choix, il faut gagner, et les supporters Blyagult, ça veut dire bleu et jaune en suédois, ces supporters donnent aussi de la voix aux abords du stade de Nice. Please don't take me home, ne me ramenez pas à la maison. Le message est lancé aux joueurs suédois. Un autre qui souhaite ne pas rentrer ce soir à la maison, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il a annoncé la fin de sa carrière internationale après cet Euro. Ce match Suède-Belgique est donc peut-être son dernier. Thierry Luther s'a croisé Björn Nördling. Il est journaliste à la TV suédoise et il analyse le tournoi de la star Zlatan. Yeah, I mean, he has the big capacity. Oui, il a un talent immense, tout le monde le sait, dans un match il peut faire des miracles. En fait, c'est pourquoi on l'a trouvé un petit peu timide, timoré dans ce championnat d'Europe. Alors, comme on sait qu'il n'a pas encore été très performant et que la Belgique est une très bonne équipe, alors on n'a pas beaucoup d'espoir au pays avant ce match. Quelle est la perception de Zlatan en Suède? C'est une superstar, un deuxième roi? Oh bah oui, c'est une superstar, hein, ça c'est sûr, tout le monde parle de lui tout le temps, partout, c'est une véritable idole pour les jeunes. Oui, on peut dire qu'il est une icône, c'est le meilleur footballeur suédois de tous les temps, et donc oui, bah, il est tout simplement énorme. Alors ça c'est pour le match des Diables, mais dans le même temps, on aura aussi un œil sur l'autre rencontre du groupe entre l'Italie et l'Irlande. Un match à Lille, assuré d'être première du groupe et d'affronter l'Espagne en huitième. La Squadra va faire tourner. Le sélectionneur Antonio Conte va permettre à ses cadres de souffler, d'autant que les Italiens ont pas mal de joueurs menacés d'une suspension. Mais la mentalité italienne restera la même, Antonio Conte. On prend ce match très au sérieux. On doit honorer notre statut de leader du groupe. On joue toujours chaque match pour gagner. C'est la beauté du foot. Il faut jouer sans faire de calcul. Je vais donner du temps de jeu à certains qui n'en ont pas eu, mais cela ne va rien changer à notre philosophie. On prend l'Irlande très au sérieux. C'est une équipe qui a battu l'Allemagne en éliminatoire et ce n'est pas rien. J'attends de l'Irlande qu'elle durcisse le jeu en tablant tout sur le physique. C'est une équipe qui ne renonce jamais et fait toujours son maximum. Le sélectionneur italien traduit par Eric Libois. En attendant le groupe des Diables, deux matchs ont débuté à 18h. Les dernières rencontres du groupe F, le groupe du Portugal, bien mal embarqué. Les Portugais affrontent la Hongrie à Lyon depuis 18h. Un quart d'heure de jeu et toujours 0-0. Dans l'autre match à Saint-Denis, c'est également 0-0 entre l'Islande et l'Autriche. On rappelle que si les Diables terminent deuxième, ils affrontent le vainqueur de ce groupe F. Dans l'état actuel des choses, c'est donc la Hongrie qui est première, mais on verra évidemment au terme des 90 minutes. Quelques infos en bref dans le reste de l'actualité sportive et le Sporting de Charleroi qui perd l'un de ses joueurs cadres. C'était attendu et maintenant officiel, le Dieu merci Ndongala quitte les Zèbres pour rejoindre la Gantoise. Autre transfert, Charlie Musonda Junior va rester en Espagne et jouer une saison de plus au Betis Séville. Musonda appartient toujours à Chelsea mais le club anglais préfère lui donner du temps de jeu au Betis. À tennis, David Goffin sera tête de série numéro 11 à Wimbledon et à 5 jours du tournoi sur gazon, le Belge semble en forme. Goffin a battu Novak Djokovic 6-3-7-5 cet après-midi. C'était un match exhibition, mais ça reste de bon augure. En cyclisme, l'équipe Sky a annoncé sa sélection pour le Tour. Chris Froome sera très bien entouré avec Thomas, Landa, Henao, Nieve, Puls, Kirienka, Rowe et Stannard. Et puis on peut ajouter deux autres Belges à la liste des partants. Sepp Van Mark et Martin Wijnands ont été retenus chez Lotto Enel. Enfin, pour refermer ce journal, un forfait d'importance pour les Jeux Olympiques. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, nouvelle star du golf, n'ira pas à Rio. McIlroy craint trop le virus Zika et estime que sa santé prime sur le sport. Alors ça, c'est pour le journal des sports, mais Jérôme, on a fait une promesse tout à l'heure. Oui, c'est ça ce petit sourire. Ah oui, il fallait chanter. Oui, j'ai mis des petites paroles. Alors, vous avez donc l'idée, c'est de faire comme... Comme dans Gala. Comme dans Gala, Free from Desire. C'est la chanson qui est utilisée dans cet Euro. Voilà. Et on adapte les paroles pour la Belgique. Alors, j'ai choisi De Bruyne. Oui. Donc... The brain is on fire. Mind and sense purified. The brain is on fire. Na na na na na na na na na na na na. Vous pensez que ça peut se vendre? Non, il faudra plus d'enthousiasme à mon avis. Mais c'était la première. C'est, ben, le premier jet est toujours mauvais. Ah ben, revenez alors pour le deuxième si vous voulez. Demain. On s'inscrit à The Voice? Non. On tente. Oh, on peut tenter l'aventure. D'ailleurs, le casting est ouvert. Hein. Si vous voulez participer à la nouvelle édition de The Voice, n'hésitez pas, c'est rtbf.be/The Voice pour vous inscrire. Ou inscrire vos amis. Donc les amis de Jérôme ou les auditeurs, vous êtes un peu son ami aussi, vous pouvez dire Jérôme Elguers a le droit de participer à The Voice. Quelle magnifique transition. Hein. N'est-ce pas? Bonne soirée, Jérôme. Il est 18h19. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Et on va rester dans le thème du sport, hein, puisque tout à l'heure nous irons dans la fan zone à Nice où se trouve David Oudrey, émission spéciale bleu, blanc, diable dès 19h pour être derrière nos diables rouges tout à l'heure. Ce sera en direct sur Vivacité. Et toujours ce concours aussi, si vous arrivez à faire le plus long goal de la soirée, vous allez pouvoir, comme, ce présentateur brésilien qui a le record du monde, 36 secondes. Bah, si vous arrivez à faire le plus long, vous ne gagnez pas une place dans le Guinness, mais vous repartez avec la compile Allez les Diables. C'est pas mal aussi. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer Diable par SMS au 60-03. Je vous souhaite bonne chance. Et justement, Damien est avec moi au téléphone. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir. Vous êtes de Tourpes, c'est du côté de Lezan-Hainaut. Et vous allez tenter de faire le plus long goal de la soirée. Tout à l'heure, on a un premier record qui a été établi à 42 secondes et 6 centièmes. Est-ce que vous allez faire mieux? On y va? On va essayer, ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Go! On vient de passer les 10 secondes. On est sur une tonalité élevée, c'est une technique. 20 secondes. Oh, oh, 30 secondes et 49 centièmes. Bon, vous n'avez pas le record, mais la performance est là avec un choix de tonalité plutôt aigu. Ouais, mais mauvais choix. Et en plus, je reviens du jardin, j'ai un peu fait des bricoles et j'étais un peu essoufflé. Donc, c'est de ma faute. Il faut un entraînement pour le goal quand même. C'est là qu'on voit que c'est pas si simple que ça. Hein. Ouais, il faut se préparer. Ouais. Merci Damien et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Bon match. Il est 18h21. Si vous aussi voulez vous inscrire, n'hésitez pas. C'est au 60-03. Vous envoyez Diable. Le record de ce soir est à 42 secondes et 6 centièmes. 18h21 de Dico Foot de Candice Cotter arrive dans un instant. Et on parle de foot tout de suite avec vous, Christophe Reculé. Il y a déjà des goals dans cette première mi-temps à l'Euro? Oui, et dans les deux matchs, c'est tombé. C'est pas vrai. Quasiment en même temps. Groupe F, on le rappelle, les deux matchs ont commencé à 18h. C'est 1-0 pour la Hongrie contre le Portugal, malgré une domination portugaise. Même score entre l'Islande et l'Autriche, 1-0 également. On rappelle, hein, c'est important, on attend tous le match de ce soir, mais le vainqueur de ce groupe F jouera la Belgique en huitième de finale, sous réserve bien sûr que les Belges obtiennent au moins un match nul. Autre info importante, avec ce résultat actuellement, mais ça ne fait que 20 minutes, le Portugal de Cristiano Ronaldo est dehors. D'accord, ah bah on suivra ça. Et c'est la Hongrie qui est première pour le moment toujours. C'est alors. Ça, pour le moment, à l'heure actuelle, c'est la Hongrie qui jouerait la Belgique, sous réserve du match nul de ce soir. Vous nous tenez au courant dès que ça bouge. Il est 18h22. Alors on va rester un peu dans l'ambiance du foot quand même avec un baromètre qui est sorti aujourd'hui qui concerne la bière. Alors le foot va souvent avec la bière, ou la bière va souvent avec le foot, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. On apprend différentes choses aujourd'hui avec ce 11e baromètre qui a été publié. On apprend par exemple que les consommateurs de bière boivent en moyenne en Belgique 72 litres par an. Ça correspond à 20 centilitres de bière par jour. On va en parler de ce baromètre avec Christophe Leroy. Vous êtes président de la SBL Bière et Bonheur et vous êtes également zytologue de profession. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. 72 litres de bière, 20 centilitres par jour, ça vous paraît beaucoup ou pas? Ça me paraît quand même beaucoup, mais à mon avis ici on est plus sur des bières de grande consommation que de la bière artisanale. Alors justement, il y avait un débat tout à l'heure dans l'équipe, parce que quand j'ai vu, moi, 20 centilitres par jour, je me dis c'est quand même énorme. Et toute mon équipe, sans exception, m'a regardé en disant, bah, Dis donc, 20 centilitres de bière par jour, ça passe large. Donc, effectivement, on voit plusieurs choses dans ce baromètre, Christophe. On voit par exemple que la Pils reste la bière la plus consommée en Belgique, mais dégringole un tout petit peu, un peu moins de consommateurs, en tout cas un peu moins de consommation que les années précédentes, et les bières artisanales également. Vous expliquez ça comment ? Je pense plutôt que justement les bières artisanales sont justement en progression par rapport à la Pils, du fait que les gens ont un peu plus de conscience vis-à-vis du produit et de la fabrication, et ont plus tendance à vouloir justement goûter des produits un petit peu plus artisanaux, un petit peu mieux faits, que des produits de grande consommation. Vous-même, vous êtes œnologue de profession, président de la SBL Bière et Bonheur. Vous remarquez quoi comme comportement, l'évolution du comportement dans les dernières années, c'est quoi ? Ben nous, on remarque surtout que les gens s'intéressent beaucoup plus qu'avant justement à ces bières un petit peu plus rares à trouver et un petit peu plus artisanales que ces grandes bières de consommation qu'on connaît tous de grandes multinationales. On remarque justement vraiment l'intérêt, les gens nous posent énormément de questions, aiment bien de goûter différents produits, aiment bien d'avoir de nouvelles sensations par rapport à il y a quelques années où tout le monde buvait, je veux dire, essentiellement les mêmes types de bières et les mêmes marques de bières. Alors une petite précision sur les chiffres que je donnais un instant, je disais une baisse de la consommation de la Pils, elle reste la favorite et donc on est à 19,3% contre 92,3% contre 95,5% il y a quelques années et alors on a un recul de 3,2% sur les bières spéciales. Voilà, comme ça vous avez l'information claire. Christophe, la bière, donc on aime bien ça en Belgique, on n'est pas le seul pays à aimer. Et alors vous allez ouvrir un restaurant dans 3 semaines spécialisé dans l'association des plats et justement avec les bières. Voilà, exactement. En fait, on veut un petit peu essayer de remplacer un petit peu le vin par la bière et pouvoir montrer aux gens que manger et boire de la bière ensemble, ça s'accorde vraiment très bien. Mais maintenant, il faut savoir que chaque plat à son type de bière bien spécifique et que tout ne se mélange pas. C'est pour ça que les gens font souvent de mauvais mélanges et trouvent des accords qui ne sont pas très agréables. Alors, nous, notre rôle à nous, c'est vraiment de trouver des accords très agréables pour les gens, leur faire découvrir ce côté justement accord. Mais alors par exemple, ce soir, il y a foot. Alors devant le foot, qu'est-ce qu'on mange ? On va peut-être manger une pizza, on va peut-être manger un burger. C'est pas de la grande gastronomie, c'est vrai. Voilà. Mais on met quoi avec ça alors ? Ben ça dépend justement, si vous voulez aller sur quelque chose qui est un petit peu acide, vous prendrez une petite bière un petit peu sucrée pour justement couper cette petite acidité. Donc on est vraiment, en fait ça se travaille sur tout un plat, on n'est pas vraiment sur une base, on est vraiment sur un ensemble de goûts ou sur lequel on peut essayer de jouer avec la bière, on n'est pas sur un ingrédient. Donc il faut voir quel type de pizza on prendrait bien évidemment. Maintenant devant un match de football, si on veut voir tout le match en entier, autant boire de la bière un peu moins alcoolisée quand même. Voilà. Et tout ça est à boire et à consommer avec modération. Tant que vous êtes là, Christophe, ce restaurant, c'est quand, où est-ce qu'on vous retrouve et à partir en de fait, quand c'est à Esneux, donc dans la province de Liège, avec le maître de Liège, et ça s'appelle l'Expérimental. L'Expérimental. Et ça ouvre donc c'est justement le jeu de mots avec le hall de la bière pour faire une expérience aux gens qui pourront justement faire un accord mais bien chez nous. Eh bien, merci pour vos explications, Christophe. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt. Il est 18h26. Alors, on va pas parler de boisson tout de suite, mais de nourriture dans le Dico Food avec Candice Cotter. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Bonsoir Candice. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter à la lettre M ce soir. On va travailler la menthe parce que l'envie d'une garden party rafraîchissante nous guette. Et la menthe, on peut l'utiliser de l'entrée au dessert, on n'y pense pas forcément. Et en fait, vous pouvez vraiment travailler la menthe de 1000 manières différentes. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui pour vous le prouver, ce sont des beignets de feuilles de menthe. La feuille de menthe est super bon beignet et vous pouvez l'utiliser à différents endroits. Vous faites ce beignet de feuilles, donc vous avez ces mini petites feuilles qui sont toutes emballées dans ce cocon de pâte moelleuse et en même temps croustillante. Vous avez cette saveur de menthe très rafraîchissante qui à la mâche explose en bouche. C'est un mix magnifique. Vous pouvez mettre ça en déco d'entrée, en déco de plat. Vous pouvez mettre ça sur une glace. Au final, c'est vraiment ultra polyvalent. Vous pouvez les manger telles quelles, saupoudrées d'un peu de sucre glace et ça vous fait quelque chose, un petit grignotage extrêmement élégant avec un joli thé. En fin de repas, quand vous avez envie de quelque chose de bien léger, tout ça est possible. Et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Il vous faut 250 g de farine, 250 ml de bière, prenez une gueuse ou éventuellement une bière blonde. Ça peut fonctionner dans les deux cas. Un jaune d'œuf et 3 blancs d'œufs, une petite pincée de sel et votre botte de menthe fraîche. De l'huile de friture, bien sûr. Vous commencez par faire votre pâte à frire. Vous allez mélanger la farine avec votre jaune d'œuf, le sel et la bière. Vous allez obtenir une pâte bien molle. C'est super, vous laissez reposer 4 heures. Donc en gros, vous pouvez faire ça bien à l'avance, vous êtes tranquillou, ça attend au frigo, vous n'avez plus rien à faire. Vous déposez vos feuilles de menthe dans un saladier, vous les recouvrez de sucre et vous les laissez reposer en parallèle à votre pâte. Donc tout ça sera fait d'avance. Au bout de ce laps de temps, vous battez vos 3 blancs d'œufs en neige bien ferme et vous les incorporez à votre pâte à frire. Ça va l'alléger et ça va la finaliser. Et puis ensuite, reste simplement à plonger dans la pâte les feuilles de menthe, une à une, et vous les faites dorer quelques minutes dans un bain d'huile bien chaude. Vous allez voir que ça va gonfler autour de la feuille de menthe. Ça va être vraiment très très joli visuellement et ça va vous permettre d'avoir aussi quelque chose qui est très gourmand. Vous égouttez bien pour enlever l'excès d'huile, vous saupoudrez éventuellement de sucre glace et on est bon. Carglass répare, Carglass remplace. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Camille, vous cherchez quelque chose ? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues. Sors la planche. Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Décathlon, à fond la forme. Oh, oh, oh, je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio avant le 1er juillet. Mais peut-être qu'en passant à viser... On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité et la 3 présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. D'une coloration dans le respect du cheveu, Espace Eleven à Herve vous propose les colorations et mèches à base de produits sans ammoniac. Espace Eleven, Outrecourt 24 à Herve. Créons ensemble de l'émotion. Le commerce autrement, localisie.com. Localisie.com. Biofine Le Pré, votre supermarché bio de la route du Condreau, fête déjà son premier anniversaire. Alors ce samedi 25 juin, on dresse un énorme chapiteau pour accueillir la foire du bio. Plus de 30 producteurs partenaires vous feront goûter plein de délicieuses choses. Et dans le magasin, c'est moins 10% sur tout. Allez hop, cadeau! Biofine. Biofine.be. Voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Belgique-Suède, c'est ce soir à 21h à Nice, le dernier match de poule des Diables, un match aux enjeux multiples. La qualification pour les huitièmes de finale, évidemment, mais aussi le futur éventuel adversaire. Pour assurer leur deuxième place dans le groupe E, les Belges doivent gagner ou faire match nul. La pression est grande, d'autant plus que les Diables pourraient précipiter la retraite internationale de Zlatan Ibrahimovic. 3 mois, jour pour jour, après les attentats de Bruxelles, une trentaine de victimes ont décidé de se porter partie civile. Elles ont rencontré pour cela aujourd'hui les juges antiterroristes. En tout, 500 personnes se sont déclarées personnes lésées et peuvent faire le choix de déposer plainte. Des plaintes qui donnent accès au dossier, mais qui constituent aussi un acte tant symbolique que thérapeutique. De Londres à New York, en passant par Bruxelles, un hommage a été rendu aujourd'hui à Jo Cox, cette parlementaire britannique tuée jeudi dernier. Son meurtrier, un sympathisant d'un groupe groupe néo-nazi américain a été arrêté et inculpé. Jo Cox avait de nombreux amis à Bruxelles. Elle avait été assistante au Parlement européen et avait aussi travaillé pour différentes ONG. Nous entendrons à 19h le témoignage de ses amis bruxellois. Merci Franck, et à tout à l'heure 19h. Un petit coup d'œil à la météo, Dominique, toujours cette alerte orage. Oui, qui a été lancée en fin d'après-midi, une alerte valable de ce soir jusqu'à vendredi soir, parce que les prévisions changent, le temps devient lourd et orageux et on surveille de près des orages qui remontent actuellement de la région parisienne vers notre pays. Les maxima atteignent 23 à 26 degrés, ils atteindront encore 15 à 20 degrés pendant la nuit prochaine, donc très doux mais orages possibles. Demain, on confirme la bouffée d'air chaud sur la Belgique avec des maxima de 25 à localement 30 degrés, il fera très lourd dès le matin, des averses orageuses dès le matin aussi, des averses parfois violentes qui sont à craindre, surtout sur la moitié ouest de la Belgique, mais le centre sera aussi menacé. Finalement, vendredi, les averses vont gagner toutes les régions, vont perdre ceci dit en intensité, température 21 à 26 degrés. Un petit mot déjà du week-end, samedi et dimanche, on devrait connaître un temps sec et un rien moins chaud, 19 à 22 degrés samedi, 20 à 24 degrés localement dimanche. Merci Dominique, on part sur les routes, le RTBF Mobile Info avec Marjorie Bilot. Oui, toujours des embarras de trafic sur le ring 3 de Charleroi suite à un accident à Montigny, le Tilleul. Vous êtes encore fortement ralenti en direction d'Épigny. Sur le ring aussi, Sacal de Grimbergen à Oulart vers Waterloo. Un accident s'était produit au carrefour Léonard vers Waterloo. La chaussée est dégagée. Néanmoins, vous perdez encore plus d'une demi-heure à partir de Grimbergen en circulation intérieure. Donc, c'est vraiment compliqué sur cette partie du ring. Et puis, ça reste aussi difficile suite aux travaux à Anderlecht, à hauteur donc d'Anderlecht jusqu'à Forêt vers Ittre. Et puis, à Bruxelles-Centre, parlons de fil habituel dans les tunnels. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7, avec Cyril. 18h34, Pop Story avec Marc Touesca arrive dans un instant. Et puis là, il est l'heure de vous régaler, de repartir avec des bien bons produits de la ferme. Tout ça à l'occasion des Journées Fermes Ouvertes 2016. C'est la 20e édition et ça aura lieu ce week-end, organisé par le ministère wallon de l'Agriculture et la PACW. C'est 25 et 26 juin de 10h à 18h. Vous aurez l'occasion de visiter plus de 70 fermes qui vous ouvrent grandes leurs portes pour vous faire découvrir leur quotidien, les machines, les différentes bêtes aussi, que vous pouvez voir les différents produits qui sont fabriqués. Tous les détails, vous les retrouvez sur le site www.apacw.be. Et comme ils sont généreux, vous repartez avec des cadeaux. Un panier de la ferme avec plein de bons produits et puis des entrées pour la Kids Warming Party qui aura lieu, elle, ce vendredi. C'est entre 17h et 20h. C'est à la ferme de Beaufaux à Saint-Denis, en province de Namur. Vous avez 6 entrées. Et alors, vous avez les enfants qui peuvent s'amuser, forcément, puisque c'est une Kids Warming Party. Mais les parents ne sont pas oubliés. Il y aura un espace pour vous aussi, les parents. Alors, comment faire pour gagner? Il faut répondre à la question que je vous pose tout de suite. Et elle concerne ces Journées Fermes Ouvertes. Justement, vous allez pouvoir déguster des bons produits de la ferme. Par exemple, du fromage, des glaces artisanales ou encore des crêpes. Justement, quels ingrédients se trouvent dans tous ces produits? Donc, on parle de fromage, crêpes et glaces artisanales. Est-ce le blé, l'orge ou le lait? Quel est le produit qui se retrouve dans les trois? Le blé, l'orge ou le lait? Si vous avez la réponse, vous envoyez votre message avec le code FERME juste avant au 60-03 pour 75 centimes. Le message, je vous souhaite bonne chance. On parle beaucoup de Bruxelles dans la presse en ce moment, de la Belgique à l'étranger, et on a un petit peu de mal avec l'image de Bruxelles dans le 5 à 7. On l'évoquait aussi, la fausse alerte d'hier aux alentours de City 2 ne va pas aider à redorer l'image de cette ville qui souffre. Paris vit la même chose et comme vous le savez, forcément c'est difficile pour beaucoup de monde. Alors, beaucoup d'actions sont mises en place pour redorer l'image de Bruxelles et entre autres une association entre la RTBF et Paris Match pour une grande opération. Bruxelles et Paris, deux villes se relèvent. Pour en parler, Marc Derrier, vous êtes rédacteur en chef de Paris Match. Bonsoir Marc. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 5 à 7 Marc. Alors, deux villes se relèvent, Bruxelles et Paris. Racontez-nous ce que c'est cette grande opération. C'est d'abord une opération qui a deux facettes. Il y a une facette extérieure qui est la mise en valeur à travers le magazine, mais toute une série de manifestations, une mise en valeur des trésors de ces deux villes qui sont géniales, qu'on perd un peu de vue maintenant parce que il y a la peur, il y a l'angoisse, etc. Mais il y a des véritables joyaux dans ces villes qui méritent d'être visités. On a fait un numéro spécial avec des photos vues du ciel qui étaient hallucinantes. Ouais. Ça, c'est la première partie, c'est la mise en valeur. Il y a des expositions qui sont organisées, etc. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle ce que j'appellerais le cœur chaud de l'opération, qu'on ne voit pas peut-être tout de suite, mais qui est finalement le but qu'on veut atteindre. C'est que les gens se rencontrent, que les gens se redécouvrent, au-delà des communautés qu'ils sortent, qu'ils se parlent, qu'ils s'enrichissent finalement au contact de chacun pour dessiner un avenir un peu meilleur, un monde de paix, où les gens se sentent bien, où ils sentent qu'ils ont besoin de l'autre pour avancer. Et donc ça, c'est le cœur de l'opération, dont le leitmotiv d'ailleurs dit bien ce qu'il veut dire « aimons-nous vivants ». C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez aujourd'hui, ça, clairement. Oui, bien sûr, et je vous assure que les gens sont en manque de ça. Ils ont besoin qu'on aille vers eux. Là, on a l'une des principales préoccupations de l'opération était à un moment donné de faire un grand rendez-vous. Et on a choisi de proposer aux gens de venir déclarer leur amour devant l'objectif de notre photographe. Alors on leur a dit, venez montrer ce que c'est l'amour pour vous. Et on a vu des gens, mais on a été complètement submergés par la masse de personnes qui sont venues nous voir pour ça. Ils sont venus des gens avec leurs voisins, ils sont venus avec leur famille, ils sont venus avec des enfants, avec un animal de compagnie. Ils se sont tous retrouvés, ils se sont parlés. Ils ont fait des photos qu'on publie et ça montre vraiment qu'ils ont besoin de se parler et qu'aujourd'hui, la peur finalement paralyse un petit peu les contacts, alors que c'est justement dans les contacts qu'on doit aller pour développer quelque chose de chaleureux pour demain. Mais c'est un beau message, effectivement. Et ça va pas s'arrêter là, puisqu'il va y avoir aussi des événements qui vont être organisés dans le cadre de cette association RTBF et Paris Match, autour des fêtes nationales belges et françaises qui arrivent, c'est tout bientôt, dans les prochaines semaines. Oui, en fait, l'opération Paris-Bruxelles de Ville se relève est organisée sous le haut patronage de l'ambassade de France à Bruxelles. Et donc, on sera partenaire exclusif de la grande fête nationale française qui est célébrée à Bruxelles. Sur le stand du cinquantenaire où il y aura une grande soirée et nous serons là, l'RTBF sera là également, on fera quelque chose évidemment pour la fête nationale belge le 21 juillet et puis en septembre il y aura également une grande soirée donnée à l'ambassade de France avec tout ce qui fait la France en Belgique, mais surtout une exposition de photos montrant justement ces gens qui viennent déclarer leur amour à leur pays et surtout leur amour de l'autre. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a besoin de l'autre pour avancer. Marc, on sera bien accueilli à l'ambassade française, même si on gagne 7 euros 2016 ? Alors oui, ben vous savez, ça c'est un peu, on se taquine mutuellement, moi qui travaille énormément avec la rédaction française, effectivement on se dit, rendez-vous pour ce match de foot. ce que je veux vous dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'optimisme là-dedans, ce que je veux dire c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, évidemment nous avons tous peur, on craint tous quelque chose, mais ce qu'il faut dire par là, c'est que la vie doit être plus forte que tout. Et vous savez, depuis qu'on a lancé l'opération le 2 juin, je reçois énormément de témoignages dont, et c'était vraiment bouleversant, de gens qui ont perdu des proches. Et ils me disent, vous savez, ce qui nous donne envie de continuer, c'est ce genre de message positif. Et que finalement, les gens qu'on a perdus, qui nous regardent, eh bien, ils sont fiers de voir que la vie doit continuer et qu'on continue à avancer en mémoire d'eux. Et ça, pour eux, c'est un élément très très fort parce que ça veut dire que l'avenir n'est pas seulement tétanisé par la peur et qu'il peut se passer quelque chose bien sûr. Le monde a changé, on est dans un monde différent, mais avançons tous ensemble. Et ces témoignages de gens qui souffrent aujourd'hui et dont il faut vraiment les prendre en considération, mais quand ils vous disent continuer comme ça, aller vers la positivité, aller vers l'amour, parce que c'est vrai que c'est l'amour qui va changer notre monde. Eh bien, ça peut paraître un petit peu idyllique que je dise ça, mais quand ça vous vient de quelqu'un qui a perdu sa fille, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, ben, l'avenir, on peut encore construire quelque chose. Ah bah, c'est un beau message, merci beaucoup Marc. Marc Dorier, vous êtes rédacteur en chef de Paris Match, et je rappelle donc l'association de la RTBF et de Paris Match pour Bruxelles et Paris, deux villes qui se relèvent. Merci Marc, et à très bientôt, puisqu'on aura certainement l'occasion de reparler des prochains événements qui arrivent. Bonne soirée Marc, à bientôt. Bonne soirée à tous. Il est 18h42, voici un autre Marc, TOSK, celui-là, pour Pop Story et l'histoire de vos hits. Pop Story. Pop Story. Marc TOSK. Au tournant de la décennie 80, le rock français a vécu sa petite révolution. Toute une flopée de combos aussi incontrôlables les uns que les autres a fait imploser la scène hexagonale avec un style inclassable et jubilatoire. Dans la série « Ça part dans tous les sens », ces groupes mixaient avec bonheur leurs influences diverses et variées qui s'étalent du rock au jazz manouche, du musette au flonflon. Et en 91, au petit bonheur, voulait du soleil. Je fais danser maman. Les années 80 voient éclore, notamment dans le 19e arrondissement de Paris, une génération d'allumés issus du punk, du ska et du rock indépendant. Que pensez-vous de la variété ? Sa musique en ébullition se situe entre le rock tendance guinguette encore et le musette tendance hard rock, mariné dans un fond de marmite de pina colada. Explosive, elle vous enivre dès les premières mesures, comme ce soleil de bodega des négresses vertes. Et au commencement, il y avait ces furieux, faux méchants et vrais révolutionnaires du groupe Pigalle. François, Henri-Paul-Édouard, Thierry, Robert, épris de liberté et d'indépendance, ils allaient dézinguer les codes du show business et tracer la route pour les générations suivantes. On joue de tout, mais pas toujours juste, et on revendique plus qu'on ne chante, mais certaines de leurs galettes de vinyle sont de véritables trésors, comme dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y'a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Mais les requins, c'est censé se péter la gueule, boire comme des trous, être toujours beurré et avoir des filles qui ont des jambes de feu. Pop Story. Dans la lignée de Pigalle, la Mano Negra de Manu Chao deviendra comme l'ultime référence. Sa musique est un brassage infini de styles et de cultures parfois incompatibles, mais le talent et le charisme de son chanteur rendront toutes les audaces possibles. Pas assez de toi, sorti en 1990, sera leur premier titre classé dans les charts européens. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me... sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie d'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me passer de toi. C'était en 1990 et la Mano Negra était classée un peu partout en Europe avec Pas assez de toi. Pop Story. Pop Story. Histoire des hits. Retour de Pop Story demain dans le 5 à 7, 18h46, avant de prendre la direction de Nice pour savoir quelle est l'ambiance dans la fan zone aux abords du stade. Christophe Reculé, nouveau but dans les matchs de cet après-midi à l'Euro 2016. Oui, en tout cas du côté de Hongrie-Portugal, puisque le Portugal a égalisé, but de Nani. Ça ne change pas grand-chose pour le moment dans le classement. La Hongrie est toujours en tête devant l'Islande. Pourquoi on en parle ? Évidemment, puisque le vainqueur de ce groupe jouera la Belgique, sous réserve que la Belgique obtienne le match nul contre la Suède ce soir. On y croit pour ce soir. Merci Christophe, à tout à l'heure. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. J'ai fait du shopping aujourd'hui. Ah, moi aussi, t'as acheté quoi ? Un sac à main. Regarde. Joli. Oh oui, je l'avais vu depuis longtemps et enfin je l'ai acheté. Et toi ? Moi aussi, j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon ? Regarde. Oh, une Mercedes. On va faire un petit tour. Attends, je prends mon sac. Jusque fin juin chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous condition. Venez faire le plein de soldes ce week-end dans plus de 100 magasins au Shopping Center Knorr. Et en plus des soldes, il y a plein d'animations foot durant tout le week-end. Génial! Shopping Center Knorr. Knorr est à 10 minutes de Bastogne et Schmid à 10 minutes de Vilsalm. S'il y a un modèle Citroën pour chaque tempérament, il n'y a que Citropol pour vous offrir un service VIP. Nos équipes d'experts sont à votre service et vous garantissent l'excellence des conseils ventes au suivi de votre véhicule. Citropol, la référence Citroën en province de Liège, à Liège, Herstal, Eupen et Malmedy. Citroën. Citropol.be. Montagne, mer ou forêt cette année ? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté. Le matin, la montagne. L'après-midi, en forêt. Et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires, tout pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Ne soyez pas hors jeu, préparez vos vacances avec Jaspers. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival Liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et avant 19h, encore beaucoup de choses à faire. Le best-of des enfants de cœur. On saura qui a qui repart avec la compile. Hein. La compile allée des Diables. Il fallait faire le plus long goal de la soirée. 36 secondes, c'est le record du monde. Un auditeur l'a battu tout à l'heure, 42 secondes. On verra avant 19h si ce record est encore battu. Et à propos de cadeaux, la PAC W vous offre un magnifique panier avec plein de produits de la ferme à l'occasion des JFO, les journées fermes ouvertes. Ce week-end, c'est 25 et 26 juin. Toutes les infos à retrouver sur apacw.be avec la liste des 70 fermes qui participent. Et je vous posais une question pour repartir avec des cadeaux. Aujourd'hui, elle concerne les bons produits de la ferme que l'on peut déguster. Par exemple, du fromage, des glaces artisanales et des crêpes. Quel ingrédient se trouve dans ces produits ? Est-ce le blé, l'orge et ou le lait ? Et on va tout de suite accueillir Amélie de Jumet qui a la réponse. Bonsoir Amélie. Oui, bonsoir. La journée se passe bien Amélie ? Ah oui, super. Bah, elle va bien finir avec des cadeaux, a priori, si vous avez la bonne réponse. Oui. C'est quoi le produit commun entre ces différents produits, entre le fromage, les glaces artisanales ou les crêpes ? Bah, le lait, bien sûr. Bah, le lait, évidemment. Du coup, c'est gagné. Panier avec plein de bons produits de la ferme. Et puis, ce vendredi, entre 17h et 20h, il y a la Kids Warming Party à Beaufaux, à Saint-Denis, à la ferme de Beaufaux à Saint-Denis, c'est dans la province de Namur, et vous allez pouvoir y accéder. 6 entrées. Vous allez avec des enfants, vous allez vous-même vous amuser. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vendredi ? Ah ben on est en famille avec les enfants, hein, le mari et les enfants. Voilà, ben, le mari et vous d'un côté, les enfants de l'autre pour pouvoir profiter de cette soirée. Ben, amusez-vous bien. Super, et, en tout cas, je vous remercie. Et bon appétit avec le bon panier que vous allez recevoir, vous avez de la chance. À bientôt merci Amélie, beaucoup. Bonne merci soirée. Beaucoup. Bonne soirée. 18h51, on se rapproche de l'événement de ce soir, le match de la Belgique face à la Suède. C'est à Nice et justement, émission à suivre dès 19h. En direct de Nice, Bleu Blanc Diable avec David Oudray et toute l'équipe. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous, comment ça va? Bah ça va et vous, au cœur de la fan zone, vous êtes bien? Exactement, bien installé à l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de soleil encore sur Nice, il y a les palmiers, il y a la promenade des Anglais juste à côté, il y a l'océan, il y a Pascal Chimay, Alex Teclac. N'allez pas vous plaindre parce qu'il fait chaud quand même, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a Alex Tecla et Pascal Chimay qui ont suivi avec beaucoup d'attention la première mi-temps de ce match Hongrie-Portugal. Vous savez que notre adversaire en huitième de finale, si tout se passe bien ce soir, sera dans ce groupe, hein, dans ce groupe F. Ouais. Il y a pas mal de supporters des Diables et des supporters suédois qui ont regardé cette première mi-temps. Maintenant, ils prennent tout doucement quand même la direction des navettes qui vont les emmener au stade pour suivre ce match tout à l'heure à 21h. Donc on sera là en direct tout au long de cette soirée jusqu'à minuit pour une soirée spéciale, hein, Cyril, vous le savez. Ben justement, au programme de cette soirée, il y aura quoi avant le match de 21h? Ben avant le match, il y a toujours le petit jeu du prono, parce qu'on a pris un peu d'avance, bien sûr, depuis hier, on en parle, hein, Pascal, ouais. Et Alex vous ont déjà donné leur avis. Alex, il voit un 1-2 pour... Pascal voit 1-2. Victoire de la Belgique et 0-1 pour Pascal Chimay. Ça c'est le prono. Donc évidemment, on va vous demander à vous tous de faire. Moi, je fais jamais de prono parce que ça me gâche le plaisir de regarder le match. Cyril. Comment il ose pas. Non, c'est sérieux. C'est un truc, ça m'énerve. Après, je ne pense plus qu'au score que j'ai donné avant le match et donc ça me gâche le plaisir. Bon, les Diables pour vont qui, gagner. Ah, ok. Pour les Diables. Pour les Diables. Bon, ben on vous retrouve en direct de Nice dans un petit instant. On aura les compositions d'équipe. Hein, que je vous coupe, Cyril, mais évidemment. Pascal et Alex, dès que nous les avons en possession, vont vous donner les compositions d'équipe et puis on sera rejoint par nos envoyés spéciaux Thierry Luters, Manuel Jousse. On les a croisés hier pour la première fois en direct de cet Euro 2016, mais eux seront bien sûr avec les Diables Rouges tout à l'heure en direct de ce stade de Nice, en direct d'Allianz Rivera, alors qu'il y a pas mal de supporters qui viennent dire bonjour à Alex et Pascal et faire des photos aussi. Hein. C'est sympa, il y a une chouette ambiance. Ouais. Justement, un mot sur l'ambiance, parce qu'on a entendu tout sur cet Euro. Aujourd'hui, tout s'est bien passé cet après-midi. Il y a eu quand même quelques bagarres, apparemment dans le Vieux-Nice, mais sinon, tout se passe très très bien. Entre Suédois et Belges, en tout cas, l'ambiance a été radieuse depuis trois jours. Avantage aux Suédois sur les deux premiers jours, parce qu'ils étaient plus nombreux et là depuis plus longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est le débarquement depuis la Belgique. Tous les supporters des Diables sont là, on fait la fête un peu partout en ville, je le disais, dans le Vieux-Nice, mais évidemment, au bord de cette promenade des Anglais, au bord de l'eau, au bord de l'océan, sur la plage, pas mal de monde, mais tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Eh bah tant mieux. Merci David, on vous retrouve dans quelques minutes, juste après le journal de 19h en direct de Nice, alors pour cette soirée bleu, blanc, diable. Ce soir, j'espère qu'on aura l'occasion de crier à plusieurs reprises « Goal !» pendant ce match de la Belgique face à la Suède, et on tente de battre le record. Tout à l'heure, Xavier avait fait un goal de 42 secondes. C'est pas mal, c'est mieux que le record du monde. Cathy est avec moi ce soir. Bonsoir Cathy. Oui, bonsoir. Cathy, peut-être la compile pour vous, la compile Allée des Diables. Si vous faites mieux que 42 secondes, le timing établi par Xavier. Est-ce que vous êtes entraînée depuis tout à l'heure, Cathy? Oui, je me suis entraînée, mais je serais étonnée que j'arrive jusque-là, mais je vais faire de mon mieux. Ah bah, il faut y croire, hein, parce que vous imaginez si les Diables font pareil tout à l'heure en disant « Ouais, je vous étonnerais qu'on gagne face à la Suède ». Non, il faut vraiment y aller, hein, Cathy. Je crois en vous. Oui. Cathy, c'est quand vous voulez. Ok. Mais avant la fin de l'émission, si vous voulez bien, quand même. Ah, j'espère, oui. Allez, 3, 2, 1, on y va. Oula, c'est fait. Un featuring avec son téléphone. Je m'inquiète, qu'est-ce qu'elle fait avec son téléphone? On est à 20 secondes. Ah, 25 secondes, c'est pas mal quand même, c'est pas mal déjà Cathy, 25 secondes, 27, 17 exactement, pour tout vous dire. Vous faisiez quoi avec votre téléphone en même temps? J'étais en train de bouger les bras. Ah, c'est pour ça, ça faisait un petit peu de bruit, mais 27 secondes, 17, c'est pas assez pour repartir avec la compile, mais c'est une très belle performance quand même. C'était le plus participé. Exactement, je vous souhaite une bonne soirée. Vous allez faire quoi d'ailleurs? Vous suivez le match tout à l'heure? Oui, voilà, on va suivre le match alors. Hein. Bah, vous avez bien raison. Et on espère, si les Belges y font de leur mieux, c'est le principal, c'est ce que je dis toujours. C'est ce qu'on leur demande, vous avez bien raison. Je vous embrasse Cathy, bonne soirée à Celt. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Xavier, est-ce qu'il est là mon champion du jour? Xavier, avec vos 42 secondes et 6 centièmes, c'est vous le grand gagnant de ce soir. Vous repartez donc avec la compile Allez les Diables. Merci. Félicitations. Tout ça avec combien de secondes ou de minutes d'entraînement tout à l'heure? Parce que vous étiez le premier à passer à l'antenne. À mon avis, je pense, quelques 44 secondes. Le temps d'entendre qu'il fallait faire un essai, ouais. Et tout seul dans ma voiture, 42 secondes. Eh ben, c'est, vous imaginez, je peux mieux faire. Vous imaginez, si vous vous entraînez, mais alors vous dépassez la minute, là. Je suis impressionné. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je pense, ce soir, donc, on va regarder le match des Diables à Jeudine, hein, dans le garage du centre. On diffuse ça dans un petit village, un petit comité. Ouais. Je crois que je vais m'entraîner clairement à passer la minute. Ah ben, on compte sur vous. Vous nous tenez au courant si vous passez la minute, d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée, Xavier. À très vite. Allez, merci. Au revoir. On arrive tout doucement à la fin de ce 5 à 7 dans un instant. Émission spéciale Bleu, Blanc, Diable, où on espère entendre tout à l'heure une victoire des Diables Rouges. Le match est à suivre sur tous les médias de la RTBF à partir de 21h. Demain, on met ça dans l'émission. Encore des cadeaux à gagner. Je vous invite toujours à visiter des magnifiques sites à travers la Wallonie. Ce sera demain dans l'émission. Et puis, les accès pour la soirée, la Kids Warming Party à l'occasion des journées fermes ouvertes. Passez une excellente soirée sur Vivacité. À demain. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Italie, République d'Irlande, à suivre en direct ce mercredi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Autre Terre et Vivacité présente la 52e Brocante Terre. Venez nous rejoindre le vendredi 24 juin à partir de 18h à la Brocante Nocturne animée par Radio Bistrot. Le samedi 25 juin dès 8h du matin, rendez-vous à la Grande Brocante pour chiner parmi plus de 500 exposants. Tous les bénéfices financent des projets de développement. La Brocante Terre, c'est dans le zoning des Ossara Herstal et sur brocanteterre.be. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Y'a personne qui m'aime. Je peux jamais rien faire. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Pour le coup d'envoi de la saison, nous avons choisi une région d'exception. Nous ferons le plein de vitamines à la Calamine, près des frontières allemandes et hollandaises. Rendez-vous dès 10h pour le brunch, suivi d'une balade de 31 km vers Raven. À l'arrivée, showcase de Marina Kay, Axel Red et Frédéric François. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Offre d'été dans votre magasin Point Carré. Maintenant, bénéficiez de 25% de remise sur la collection été 2016 à l'achat de minimum 2 articles, hors exception, prix rond et nouvelle collection. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais il n'y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 30 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Bonsoir, Belgique-Suède, coup d'envoi dans 2 heures à Nice. Un peu partout dans le pays, la tension monte, notamment là où sont installés des écrans géants. Mais des milliers de supporters ont aussi fait le déplacement sur la Riviera où on retrouve Thierry Luther. Thierry, bonsoir. En sait-on un peu plus sur la composition de l'équipe qui sera alignée ce soir? Eh bien Franck, forcément à 2 heures maintenant du coup d'envoi, les premiers rumeurs circulent. En apparence, il n'y aurait pas trop de changements. Un seul, en réalité, par rapport à l'équipe victorieuse il y a quelques jours face à l'Irlande à Bordeaux, à savoir que Rajan Nainggolan va faire son retour dans l'entrejeu, puisque Moussa Dembélé semble complètement guéri, rétabli de son entorse à la cheville. Et donc, pas de Marouane Fellaini. Je répète que c'est encore officieux. On avait imaginé évidemment que le joueur de Manchester United aurait pu jouer par exemple en marquage